Ah, t'es un petit fouilleur, toi, hein? Ah, je suis un petit fouilleur, ouais. Un petit fouilleur. Ah, vas-y, raconte. Pourquoi t'as fouillé? C'était qui cette fille? On veut tout savoir. Alors moi, en fait, c'était avec mon copain. Et en fait, à chaque fois, dans chaque début de relation, en fait, j'ai un peu de mal à faire confiance. Et donc, du coup, j'ai pris son téléphone. Donc, j'ai commencé à fouiller donc les appels, les SMS. Et j'ai fini par trouver donc, une conversation Facebook un peu litigieuse. Ouais, non, mais on finit toujours par trouver un truc, de toute façon, ah bah si oui, tu cherches cherche, bien. Hein. Ouais, mais là, c'était un peu vraiment... là, c'était du genre... donc, je vais vous dire la phrase exactement. Tu as de la chance de pas être là, sinon je t'aurais pété la rondelle. Oui, là, ah, c'est... Donc. C'est plutôt clair. Et bah voilà. Voilà, et... en gros, là, c'est très explicite. Ah ouais, donc là, tu tombes sur ce message, tu te dis, oh putain, enfoiré, il veut péter la rondelle. Et alors, ouais. Comment tu réagis? Tu lui en parles ou pas? Tu lui dis, c'est quoi cette histoire? Non, mais en fait, en gros j'ai pris le téléphone portable et il est passé du cinquième étage au dernier en deux secondes, quoi. Ok, donc tu as tué ton partenaire. Mais non, le téléphone portable. Ah, oui, ça va alors. Bah oui, il n'a pas jeté. Je plaisantais. Et donc, Alexandre, du coup, t'as terminé cette relation à cause de ça? Non, j'ai discuté, savoir le pourquoi du comment quand même, j'ai continué, et ça a duré pendant 3 ans, et en fait, pendant 3 ans, ça a été que ça, en fait. Donc, j'aurais dû arrêter à ce moment-là. Bah oui, je pense que c'était la meilleure chose à faire. Lola aussi est là. Bonsoir Lola. Salut l'équipe. Salut. Salut Lola. Donc toi, tu fouilles dans le téléphone de ton mec. Voilà, c'est ça. Bien sûr, bah oui, tu t'appelles Lola, c'est bien connu. Et alors, dis-nous Lola, qu'est-ce qui s'est passé? T'es tombée sur quoi toi? Bah alors, en fait, moi ça faisait 5 ans que j'étais avec lui. Et enfin tout se passait bien et tout, et puis ben il y a des jours où il commençait à sortir, à rentrer tard la nuit, à mentir, et du coup ben il a oublié son portable. Ah. Et moi j'ai checké ses mails. Ouh, les mails. Ouais. Alors. Ouais. Et là du coup en fait je suis tombée sur des messages d'un site de rencontre de femmes cougars. Dis donc. Ah, c'est intéressant. Ah oui, ça t'intéresse, voilà, Samuel. Donc, bien sûr. J'ai cliqué dessus, donc j'ai vu toutes ces conversations parce que j'étais sur son compte, évidemment. Ouais. Et moi, j'ai créé un compte. Ah. Et d'accord. Je me suis passée pour une femme cougar. Et t'as été le piégé. Voilà, je l'ai piégé en fait. C'est exactement ça qui s'est passé. Donc il t'a dragué. J'ai commencé à discuter. Oui, voilà, c'est ça. Bah, c'est moi qui ai commencé à lui parler parce que fallait bien que je rentre dans son jeu, quoi. Et du coup, on a discuté, on s'est échangé des messages hautes, franchement, de sa part. Vraiment des choses très très chaudes. Et j'ai demandé son numéro pour être sûr que c'était lui. J'ai demandé une photo, machin. Et il m'a posé un rendez-vous à un hôtel. Oh, génial. Et tu y as été? Voilà. Et oui, j'y étais. J'y suis allée 10 minutes à l'avance, quand même, pour être sûr de mon coup. Donc moi, j'avais fait une capture d'écran et j'avais imprimé toutes les conversations parce que je savais qu'il me dirait que c'était pas lui et tout. Et là, il est arrivé, en fait. Et il m'a vu. S'il est au rendez-vous, il peut difficilement dire que c'est pas lui. Alors voilà. Qu'est-ce qui se passe donc, après il m'a vu, donc il n'a pas compris qu'est-ce que je faisais là. Ouais, j'ai vu rien. Il dit, tu fais quoi ici? Oh bébé. Je vais t'expliquer. C'est ça. Et alors? Et j'ai dit, tu me reconnais pas, c'est moi. Il me dit, oui, c'est toi, Lola. J'ai dit, non, je suis Fanny, ta femme cougar que tu es censée rencontrer ce soir. Ouais. Et là, elle est devenue tout rouge et du coup, moi, j'ai posé de colère les captures d'écran sur son torse. Et même en ayant les captures d'écran, il a nié, il a dit que c'était pas lui. C'est pas ce que tu crois. Ouais, c'est une explication à tout ça. C'est pas ce que tu crois, machin. Voilà, okay. Je voulais pas faire ça, c'était pour me tester et tout. Donc, voilà. Tu t'es arrêté là, j'imagine, dans votre relation. Ouais, c'est ça, exactement. Heureusement. J'ai pas voulu continuer. Parce que si c'est ça, il va faire quoi d'autre? Ah oui, t'étais ultra cocu dans cette histoire. Et il t'a lâché le morceau ou pas après votre séparation, te racontant ce qu'il avait pu faire ou pas du tout? Il me dit qu'il avait rien fait en fait, qu'il avait fait des rendez-vous et tout avec des filles, mais qu'il vous avait vu, mais il avait jamais été plus loin. Après, ça c'est ce qu'il dit, hein, il ment comme il respire, donc voilà quoi. Même s'il avait pas été plus loin, ça reste quand même une sorte de trahison, il drague quelqu'un, il donne des rendez-vous, et puis sur un malentendu, il se passe quelque chose quoi, il te ment quand même. Voilà, c'est ça. De toute façon, même sous la torture et devant des preuves évidentes, il n'aurait pas avoué. Ouais, bah, bien sûr. Voilà. Merci beaucoup Lola en tout cas, et je pense celles et tous ceux qui vont fouiller dans le téléphone de leurs copains, de leurs copines. Hein, c'est surtout que le truc digital, c'est ça, Alice. Hein, oui, c'est ça, c'est ouf quoi. Tu penses que t'es protégé parce que t'as mot de passe avec reconnaissance digitale, et au final, c'est quand tu dors, on prend ton doigt pour déverrouiller ton téléphone, rien ne va plus. Ou vous coupez directement la main de votre partenaire. Oui, moi je pense que c'est encore le mieux à faire. Voilà, effectivement. Tout à fait. Mmh. Merci beaucoup en tout cas pour toutes les réactions. Je vais remercier également Maxime, notre auditeur du soir. Maxime qui va terminer cette émission. Maxime, tu es prêt ? Ouais. C'est bon, tu as fait pipi ? Ça, nickel. J'ai fait pipi là, c'est bon, je suis pas retourné là. Eh bien, nous t'écoutons, Maxime. Bah écoutez, merci beaucoup à toute l'équipe du Love in Fun parce que vous m'avez bien accompagné pendant ma semaine de bac et c'était vraiment cool de vous avoir. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. Je vous souhaite de très bonnes vacances à tout le monde et merci beaucoup. On n'est pas encore parti et d'ailleurs, on va remercier beaucoup Samuel Salama qui était avec nous pendant 3 jours avec qui on s'est régalé. Franchement, on a appris plein de choses. C'était un vrai plaisir, un vrai bonheur d'être avec toi, Samuel. Eh ben, c'était un vrai plaisir partagé. C'était génial de passer ces moments avec vous et... Eh ben écoute, avec grand plaisir, tu nous invites tout frais payé chez toi en Nouvelle-Calédonie. On viendra avec toute l'équipe. Ouais, que c'est gentil. Il y a plein de choses à faire, c'est top et je vous attends avec impatience. On est invité. Merci beaucoup Samuel, à très bientôt. À bientôt. Merci beaucoup et on va retrouver Marion et Enzo, elles sont là. Et alors, oui. Ça tombe bien parce que moi en plus je connais pas la Nouvelle-Calédonie. Venez aussi, il y a de la place. Ça c'est sympathique. Il est dans la générosité. Donc c'est bien beau de dire venez, mais on vient quand alors? Donc il faut bloquer les dates. Donc ouais. Là le problème c'est que c'est pas la bonne période. Il fait un peu frais. C'est l'hiver. Il fait 16 degrés. Bah non, mais le mieux c'est qu'on te laisse gérer les billets. Tu t'en occupes. De toute façon c'est ça. Bah, je vois juste avec vos patrons un petit peu les disponibilités. Non, on veut pas savoir le pourquoi du comment. Tu te démerdes. Des réceptions des billets. Nous viendrons en tout cas avec grand plaisir. C'est parti pour le night show. C'est jusqu'à minuit. C'est Marion. C'est l'histoire du Night Show. Le soir sur Fun Radio. Night. Du dimanche au jeudi, 22h à minuit. Marion Anso, Amir et Thibaut. On est une bande d'amis qu'ils veulent même pas se pécho. Anso 6 solo. C'est l'histoire du Night Show. Là où bosse Anso 6, je me fourre un artichaut en écartant les cuisses. Oh non, Anso 6. Ouais, bah c'est bon, bordel la cul. Tous les soirs. 22h30. Welcome to the Night Show. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Oh no, I go back to you. Il est 22h02 et ça y est, le Night Show commence. On est ravis de vous retrouver en ce lundi soir. On espère que vous allez bien, que tout roule. Marion et Anso, on est avec vous jusqu'à minuit et en direct. C'est pas encore les vacances, hein, c'est vrai, Karel le disait, on est là et on n'a pas fini, on est là toute la semaine et ça fait bien plaisir. Pas parti comme ça, dis donc, on se débarrasse pas de nous comme ça. Alors on sait que certains d'entre vous ont eu les résultats du brevet aujourd'hui, c'est sur 3 jours, donc tout le monde ne l'a pas eu, ça dépend de où vous habitez, mais... Quoi qu'il en soit, on espère que ça s'est bien passé. A priori, pour nos auditeurs, c'est dans la poche pour beaucoup. Si vous l'avez raté, c'est pas bien grave. Au pire, vous redoublez. Au pire, vous passez sans l'avoir. Bon, c'est chiant, c'est vrai. Mais il faut juste se dire que l'année prochaine sera meilleure. Oui. Tu sais, faudrait qu'on en parle parce que je suis tombée sur un article l'autre jour qui parle de tous les métiers qu'on peut faire quand on n'a pas le bac. Ah oui, mais c'est pas le brevet, le bac, mais oui. Oui, d'accord, mais bon, je veux dire, ça remonte le moral pour ceux qui ont foiré le rattrapage. Oui, c'est vrai. Oui. Eh ben, il y a plein de métiers qu'on peut faire. La preuve, vous faites de la radio, oui ou non? Ouais. Alors, vous avez le bac, oui ou non? Non. Et ben voilà, donc ça, c'est déjà un premier métier qu'on peut faire sans le bac. Par exemple. Voilà, il y en a plein d'autres, mais on espère que vous avez bien, que vous avez le moral. Et puis, on reparlera des examens, c'est promis. Et justement, surtout ce soir, on va parler des métiers. On va peut-être créer des vocations chez vous, puisque nous sommes une sorte de créateurs. On a des auditeurs ce soir qui vont partager leur taf, parfois originaux, parfois rigolos. Enfin, globalement, tout ce qui rime en haut. Appelez-nous si vous aussi, vous avez un taf de ouf, là. Hashtag le Night Show. 01 42 48 5000. On vous attend en bande de petites personnes sympa. Juliane Peretta, je ne sais pas s'il a son bac, mais on va l'écouter ce soir. En tout cas, à mon avis, il a son bac chanteur. Casse-toi. Ah ouais, tu peux peut-être pas comprendre, c'est une blague de Zikos. Ouais. On va aussi écouter Dua Lipa. Qui a eu son brevet. Oui. Avec une mention spéciale en art plastique. Ouais, et elle avait fait en 4e techno. Ouais. Elle avait fait un classeur amovible. Oui, lumineux. Exactement, avec gravé un truc. Et qu'est-ce qu'elle a de grandes jambes? Vous avez déjà vu Dua Lipa? Ah, interminable. Ouais. Ah non, mais franchement, elle a donné plein d'interviews là récemment sur Fun Radio d'ailleurs. Et bien, ses jambes, ma tête arrive à ses jambes. Hein, haut de ses jambes. Ah, mais non, mais c'est vrai. C'est vrai, franchement. Je de pourrais lui faire très plaisir à cette doigt. Hein, si j'en avais envie. Il hein. n'y a rien qui va dans cette phrase. Bonsoir, tu vois l'arrière. Bonsoir. Il va bien? Ouais, ça va, ouais. J'ai pas de caleçon aujourd'hui, voilà. C'est une petite info, oui. Ça fait toujours plaisir. Alors, on va pas trop en dire, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a tourné une vidéo YouTube en extérieur, on s'est sali. Oui. Enfin, vous êtes sali. Moi, c'est vrai que j'étais un petit peu en dehors de cette vidéo. Vous verrez le résultat sur la chaîne YouTube. Et donc, Thibaut a fini jaune, je vous dis pas pourquoi, et sans caleçon. Voilà. Ah, c'est vrai. Flo aussi, Flo, bonsoir. Ouais, salut. Flo a été souillé également. J'ai les cheveux gras et je pue. Ouais, voilà. Mais ça, c'est habituel. Voilà. Ouais. Il n'y a pas trop de gros changements, mon Flo. Merci. Tu nous excuseras. Bel accueil. Bonsoir, Oli du Standard. Bonsoir. Comment ça va, mon petit chat? Bah écoutez, j'ai plus de gel à cause de toute cette eau. Oui, mais toi, ça te va bien. C'est vrai que, alors là, tout le monde va se demander ce qu'on a pu faire dans cette vidéo. Oli, merci, on dit de pas spoiler. Elle dit qu'elle a reçu de l'eau, elle. Ah, ça va, c'est pas non plus un gros spoil. Ah non, non, non. Non, elle aurait dit qu'il y avait de la peinture, là, oui. Mais elle n'a pas dit, finalement. Bon, appelez Oli si vous voulez faire de la radio avec nous. Ça se passe au 01 42 48 5000. Et là, on va parler d'un message que j'ai reçu sur mon compte Facebook à moi, d'Adam. Adam, il m'a écrit ceci et je me suis dit, fallait absolument que je le partage avec vous. Est-ce que vous êtes prêts? Ah bah, nous t'écoutons avec la plus grande écoute. Toutou. J'aurais besoin de votre générosité, Marion et l'équipe, pour réaliser mon rêve. Ça serait vraiment super sympa de votre part. Je veux participer au championnat du monde de poney, mais malheureusement, ça coûte cher et il faut que je trouve des sponsors. Aidez-moi dans ma conquête. C'est marrant, ça, je savais pas qu'il existait les championnats du monde de poney. Ah, moi non plus. Et surtout, je comprends pas en quoi ça coûte cher. Alors, peut-être qu'il faut voyager. Bah, peut-être qu'il faut un poney aussi. Ouais. Ah oui, bah effectivement, mais si t'as pas tout ça, mon chat, tu pars avec beaucoup de handicap, là, ça va faire beaucoup d'argent à sortir. Championnat du monde sans poney, ouais. C'est ouais, c'est compliqué. Après, je sais pas, peut-être qu'on t'en prête un, la fédé de poney, peut-être t'en prêter un, quoi. Ouais, mais je pense que si il veut faire ce championnat, c'est qu'il a un poney. Il doit en faire, tu vois. Ah. À mon avis, c'est plus pour voyager, pour aller dans le pays qu'il organise, etc. Après, a priori, là, je suis sur championnat du monde de poney.com. Ouais, c'est pas vrai, mais bah, c'est pas loin. C'est en Allemagne. Ah, ah quand même. D'accord. Ah, c'était une dernière, ça. Alors le souci Adam, c'est que la dernière fois qu'on a lancé une cagnotte litchi pour une auditrice dans cette émission, c'était pour une auditrice qui voulait sauver son chat, qui avait besoin de sous pour se faire opérer, et on a appris qu'elle s'en était servie pour s'acheter des fringues sur Amazon. Ouais. Alors bon, on a été pas mal vexés parce qu'on avait quand même mis pas mal de sous. Nous surtout, on s'en fout, mais c'est pour les auditeurs qui ont participé, c'est pas cool, on a tous été émus parce que son chat allait perdre une patte. Puis finalement, il a perdu sa patte, mais elle a gagné des fringues. Moi, j'aime pas trop me faire prendre pour un jambon. Hein. Bon, du coup, on va pas redemander de l'argent aux auditeurs, mais c'est vrai qu'on t'encourage. Je sais pas trop comment on peut t'aider. Nous, si on peut te faire de la pub, envoie-nous. On peut partager sur nos réseaux sociaux peut-être des liens, des machins, ta cagnotte si tu veux. Mais voilà, en soi, on va pas non plus t'envoyer un chèque. Mais on peut parler des championnats parce que c'est pas le seul à faire ce genre de championnat. Il y a plein de championnats un peu what the fuck qui existent dans le monde. Donc on va ouvrir un grand thème là-dessus sur les compètes, les championnats que vous avez pu faire. Enfin bref, lâchez-vous quoi. Ouais, les tournois aussi auxquels vous avez pu participer. On veut du sport. On veut du surprenant également parce que finalement la vie est comme un Kinder Surprise. 01 42. Bah si, la vie c'est un Kinder Surprise, donc c'est de la surprise. On veut du surprenant. Tu fais le lien, Flo. Faut tout lui dire. Hashtag donner quelque chose. 01 42 48 5000. On se retrouve juste après LSD. Il comprend, il est pas fut-fut, hein. Make the song so sweet, you gon' come on with me, oh. got the heart, we got the soul. Just when the world's saying they got no hope, here comes the love, we got audio. I'm flying high, superhero. S on my chest with my Marilyn Monroe. Feel like a star, cause we got audio. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons une nouvelle fois vous envoyer à Disney. Ça va se passer le 14 juillet. Non seulement vous allez kiffer les attractions, mais en plus, vous allez assister à l'avant-première le soir du film Ant-Man et la Guêpe. Ah ouais. Avec tous les acteurs, avec le cocktail, la totale. Donc pour jouer, ça se passe au 01 42 48 100 000. On vous décrit un personnage Marvel, à vous de le trouver. Il est très facile celui de ce soir. Alors, c'est bête comme chou, oui ou non? Ah oui, non mais vraiment, alors cette expression, on n'en veut plus, Anto, hein, je te l'ai déjà dit. Easy. Mais vraiment, le perso de ce soir, easy, easy, donc on vous attend. Et puis pareil, même numéro si vous voulez réagir au sujet des compétitions, des tournois, des championnats les plus foufou que vous avez pu faire dans votre vie. Alors, est-ce que toi, parce que t'es quand même une compétitrice dans l'âme, Marion. Oui. Est-ce que toi, t'as fait de la compète, t'as touché la médaille? J'ai fait une compétition de badminton, c'est vrai, il fut un temps. Oui, que j'ai perdu, hein, évidemment, je perdais tout, mais c'était quand même sympa. Mais perdu dernière ou quand même non. Non, quand même, je sortais mon épingle du jeu, attention. Et je crois que la pire place, c'est le quatrième, non? Ou avant-dernier. Ouais. T'es vraiment dans l'eau tiède, quoi. Ouais, mais t'es un peu dans l'eau tiède. Mais bon, quatrième, t'es pas sur le podium, t'as pas de médaille, t'as pas de coupe. Tout le monde te dit, ah, c'est vraiment la pire place, hein. C'est horrible. Après, c'est chiant d'être dans les derniers, parce que moi, par exemple, j'habitais Angers et les compètes se passaient sur Cholet. Donc, faire le déplacement pour faire juste un tournoi, enfin, tu sais. Mais les gars, Angers-Cholet, c'est pas quand même. C'est pas Marseille-Paris, quoi. Non, mais pas vous, c'est 30 mais minutes elle dit ça. Ben oui, mais elle a les moyens, elle, de faire 30 minutes en route. Et moi, j'étais à pied, moi, tu sais ça. Et non, j'étais à pied, moi. Et non, t'étais en calèche. Oui. Moi j'étais là, j'essayais de trouver comme ça des moyens d'y aller à Cholet, ça me paraissait si lointain. Quand même 30 minutes. Léa nous appelait, elle est du côté de Paris. Bonsoir Léa. Bonsoir. Elle a 18 ans. Allô? Oui, je te demandais si t'avais bien 18 Bonsoir. Ans. Bonsoir. D'accord, ça va? Oui, est-ce que t'as passé ton bac cette année toi? Bonsoir. Oui, je l'ai eu justement, bac ES. Ah! Mashallah! La mention ou pas? Bah oui, mention bien. Oh là là! Attends, mention bien, ça veut dire que t'as 15? Ouais. Non. Ouais, j'ai eu 15,7. Bah oui, mention bien. Ah ouais, quand même. Ah oui, et très bien choisi 18. Non, 17, tu t'emballes. Ah ouais, bah c'est pas mal. Hein. Bah déjà, quand t'as même 16,5, c'est quand même super. Félicitations Léa, on est fiers de toi. Ça tu vois, ça c'est une fidèle auditrice du Night Show. Et qu'est-ce que tu vas faire plus tard, Léa, alors? Plus tard, je sais pas trop. J'aimerais bien, en fait, être peintre, artiste, ouvrir ma galerie d'art. Du coup, ça valait bien le coup de faire un bac ES. pour être artiste. Mais non, mais attendez, elle se fait chier à avoir une mention bien et tout. Ça veut dire que les peintres sont des cons, quoi. Ah non, j'ai pas dit ça. Il y a des filières spécialisées dans l'artistique. Il fallait la faire, comme ça, t'aurais gagné du temps. Bah, on s'en fout, elle peut bifurquer. Mais oui. Mais surtout que si tu veux faire genre les beaux-arts et tout, t'es obligé d'avoir. Bah, oui. Attendez, excusez-moi, je savais pas que dans l'équipe, on avait une conseillère d'orientation. Alors, effectivement, j'en ai fait. Alors, je sais que pour faire les beaux-arts, bizarre. Parce que... Et je parlais de Marion. Écoute, Léa, nous, on est très fiers de toi, quoi qu'il arrive. Merci. Raconte-nous, c'était quoi ton championnat? Bah, du coup, c'est par rapport encore une fois au dessin. Non, c'était justement dès que je suis entrée en seconde au lycée, on avait une prof d'art plastique qui nous a dit ouais, on va faire un concours et la première personne, enfin celle qui fera plus beau dessin, elle aura le droit à avoir un cadeau de parc pour un parc d'attractions, par exemple Disney ou Astérix. Ouais. Du coup, pendant genre un mois, on s'est mis totalement à fond, on était genre en train de se battre carrément. Et au final, elle nous annonce quoi? Elle nous annonce tout le monde est vainqueur, il n'y a pas de gagnant, voilà, elle nous offre un paquet de bonbons à tous. Ah oui, c'est un peu nul. J'ai pas envie de payer les places d'attraction. Et non, mais au-delà de ça, c'est une grosse mytho en fait. Ah oui, si t'organises un tournoi, tu le fais vraiment. Attends. Ouais, reprendre ses volets. Il y avait un huissier là sur le coup? Non, même pas malheureusement. Ah ben voilà. Faut porter plainte. Ah non, là c'est pas cool, mais tu t'es donné quand même. Est-ce que t'as... Donc personne n'a gagné, il n'y a même pas eu de classement quoi. Non, carrément, en fait, pas du tout. Elle nous a dit, oh, c'est trop beau, merci beaucoup. Ah, elle a rigolé, genre en mode, non, personne n'a gagné. On était tous frustrés. Bon, eh bien écoute, moi je suis sûre que t'avais le plus beau dessin, je le sens. Tu sais quoi Léa, moi aussi on t'embrasse très fort et sache que je la déteste. Merci, gros bisous. On t'embrasse très fort Léa. Et comme Léa, appelez-nous 01 42 48 5000 si vous avez participé à des compétitions un peu drôles, insolites, que sais-je. Hashtag le Nate Show, puis on va écouter Dua Lipa aussi. C'est la version que vous écoutez seulement sur Fun Radio, la version de Delta Jack. Ça va venir tout de suite sur Fun Radio. Venez vous abonner sur Instagram. Marion et Anso. Les meilleurs DJ de la planète vous donnent rendez-vous à l'Electro Beach Music Festival avec Fun Radio. Electro Beach. Jeudi, à partir de 16h, vivez l'événement en direct avec JB et Adrien Thomas. 8 heures de mix non-stop et des interviews exclusives des plus grands DJ sur place. L'Electro Beach 2018 à Port-Barcarès, c'est avec Fun Radio. Le son Dancefloor. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Salut Adrien, dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été? Mais carrément Miko, j'ai les platines, la playlist, y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à choisir ton Sam. Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote, comme moi quoi. Cool, Sam, ce soir c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Et si on profitait d'un forfait à petit prix dans toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai un forfait 30 gigas. Et moi, avec Orange, mon forfait 30 gigas est à seulement 9,99€. Bah, le mien, je peux l'utiliser en Europe pour faire des visios avec mes meufs. Ouais, avec ta mère et ta sœur, quoi. Pff, jaloux. Avec Orange, profitez dans toute l'Europe du forfait mobile Play 30 gigas à 9,99€ par mois pendant un an, puis 24,99€ pour clients open. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Valable jusqu'au 22 août en métropole. 15€ par mois remboursé pour les nouveaux clients conservant leur numéro de mobile. Engagement 12 mois, conditions sur orange.fr. Fun Radio présente le Salou Beach Tour à l'Oxford, à La Rochelle. Samedi soir, retrouvez toute l'ambiance du Spring Break Salou. Et tentez de gagner votre séjour pour le Salou Beach avec un max de goodies et le meilleur du son Dancefloor. Mixé par le DJ Fun Break, Richard Carr. Le Salou Beach Tour à l'Oxford, à La Rochelle. C'est avec Fun Radio, le son Dancefloor. Mario Yansou, The Night Show. The Night Show. 22h minuit sur Fun Radio. Je vous le dis tout à l'heure dans l'émission, nous allons nous affronter à un jeu d'été, un jeu très connu. Ah. Et le perdant va devoir relever un défi très gênant. Ah. Voilà, j'en dis pas plus. Ce sera dans la rue. Anso, elle sait, puisqu'on a élaboré ce petit stratagème ensemble. Mais on va jouer Babou, hein, je te le dis. Ah oui, bah, de toute façon, moi, vous allez voir quand... Vous allez voir ce que ça va voir. Restez bien là, on fera un Facebook Live. On sera en direct sur tous nos réseaux, Marion et Anso. Et là, on parle eh bien, de ces championnats, ces tournois, ces compétitions, what the fuck, auxquelles vous avez participé. Je pense qu'on a la palme avec Gauthier. Alors Gauthier, il paraît que c'est un peu trash. Donc voilà, si vous avez comme ça des oreilles sensibles, faites attention. D'accord. Eh bien, écoute, j'aime en tout cas ce message de prévention. J'ai envie de t'appeler maman. Bonsoir Gauthier. Salut Marion, salut Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors Gauthier, tu as 20 ans. Ouais. Déjà, est-ce que l'histoire que tu vas nous raconter est vraie, tu le jures? Ah oui, je le jure sur ma tête que c'est vrai. D'accord, parce que pour moi c'est une légende urbaine, mais vas-y, on t'écoute. Voilà, moi bon, j'espère que le CSA ne va pas trop pas apprécier. Alors en fait, pour expliquer, c'est que donc avant avec des potes, on faisait la compétition de la biscotte. Donc on était 5 autour de la biscotte à se branler, et c'était le dernier qui éjaculait sur la biscotte qui mangeait la biscotte. Ah c'est dégueu. Oui bah le jeu de la biscotte, le fameux. Mais pour moi ça c'est pas possible de jouer à ça. Personne n'a envie de faire ce jeu quoi. Non mais surtout je trouve ça, excusez-moi, mais complètement con. Ça n'a aucun intérêt. Pardon mais je suis désolée mon chat, c'est pas contre toi Gauthier, hein. C'est cool non, si tu l'as fait dans ce moment-là, mais alors, je vois pas ni l'intérêt, ni prouver quoi. Puis déjà physiologiquement j'arrive pas à comprendre comment d'un coup tu te retrouves face à tes potes et tu te dis tiens si je me masturbais pour éjaculer sur une biscotte, mais alors, ça me dépasse totalement. C'est... Je pense que Thibaut a des explications. Oui Thibaut. Mais j'ai fait 6 ans de rugby alors ça se voit pas comme ça, mais effectivement il y a un délire de jeu de la biscotte. Moi j'ai jamais réussi à aller au bout, donc j'ai fait effectivement le moment où bah, tu essayes de faire sortir le truc, jamais réussi à faire sortir. Donc ce que je faisais c'est que moi bah, au bout d'un moment ça me saoulait, ça me mettait mal à l'aise, donc je mettais sur le côté. Mais ce qui est hyper dégueulasse c'est qu'une biscotte normalement c'est dur tu vois. Oh. Et là oh. Le fait que les gens forcément ils rendent la biscotte humide. Et du coup, ça ressemble plus à du pain de mie qui tombe un peu de tous les côtés. Ça fait de la pâte. Ouais, et alors, c'est pas très bon. Voilà, attends, Gauthier. Ouais. T'as perdu ? Non, pas bon. T'as gagné donc ? Ouais. D'accord, et donc il y a vraiment un gars qui a mangé la biscotte ? Ouais, vraiment, c'est tout foutu de lui. À la fin, il a tout vomi. Il a vomi ? Non, t'entends plus, Gauthier, on te perd là, Gauthier. Tu ne parles pas dans ce téléphone. Dis-nous. Voilà, je parle mieux. Ouais, à la fin, il l'a mangé, il l'a revomi. Oh. C'est normal en même temps, vous attendiez à quoi, les gars? C'est dégueulasse. il allait pas appeler le guide Michelin en disant dis-donc, il y a un 3 étoiles à donner par ici. Hein. Non, mais tu te doutes bien quand même, Gauthier. Et en plus, c'est pas bon de le faire. Enfin, je sais pas, c'est dégueulasse. Et c'est humiliant. Et je pense que toute sa vie, il va porter ce fardeau, quoi. Il a perdu au jeu de la biscotte. Ah, c'est horrible, Thibaut. Non, mais pour le coup, comme je vous disais, au rugby, on l'a déjà fait, mais franchement, personne n'allait jusqu'au bout de la manger. Enfin, tu vois, t'arrives, tu fais le délire, mais c'est vrai que pour le coup, personne n'arrivait jusqu'au bout de la manger. T'es pas assez con, normalement, pour te dire, tu sais, non, quoi, mais c'est déjà, rigolo. T'es pas assez con pour entamer ce jeu, normalement. Non, non, je comprends, mais après, tu sais, quand tout le monde se chauffe en rugby, on le fait. Non. Ah, non, mais nous, on peut pas accepter, mais enfin bon. Moi, j'aime pas. Après, Gauthier, tu l'as fait une fois. On l'a fait 2-3 fois. Ah ouais, donc il aime ça le gars. Ouais, Gauthier, voilà, c'est une compète comme une autre. Voilà, tu vois, il y en a qui nous parlent du dessin, d'autres de rugby, ouais. Et bien lui, c'est la biscotte. Ouais, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de supporters quand même. Oh, dans un stade. Écoute, Gauthier, malgré tout, malgré ces jeux bizarres, t'es fort sympathique, donc merci de nous avoir appelé mon chat. Bah, avec plaisir. Bisous, biscotte. Bisous. Salut. Sur Twitter, il y a Lucie qui nous dit moi j'ai fait un concours Miss Camping, j'ai fini deuxième. Alors je crois que Anso t'a détrôné puisque toi aussi t'as fait Miss Camping. Et oui, j'ai fait Miss Camping. Bon, en même temps, vous allez vous dire ouais, elle donne des leçons aux gens alors qu'elle est pas plus futue que ça. Ah, ça va Miss Camping. J'ai fait Miss Camping. Ouais, mais en fait, mon costume était fait de papier toilette. Et voilà. Et du coup, ça a séduit le jury parce que je suis arrivée première. C'est vrai. Et t'as pas des photos de ça qu'on se marre? Je dois avoir des photos de ça. Faudrait que je demande à Christina de Bruno dans la radio parce qu'elle le faisait avec moi et elle avait pris des sacs plastiques, elle. Elle a fini deuxième. Oui, Flo. Au pire, les toilettes à 3 mètres, on refait la cérémonie. Ah ouais. Ouais, mais non, parce que c'est des rouleaux roses. Ah bah, dis donc, c'est. Mais c'est en blanc, c'est la mariée, la pureté. Je suis comme une créatrice. Hein. En tout cas, bravo parce que franchement, gagner Miss Camping, c'est pas forcément facile. Ouais. Non. Fier de toi, Babou. Ouais. Après, je me demande parce qu'à un moment donné, tu devais faire un défilé en tenue de soirée, donc je l'ai vraiment fait en tenue de soirée, sauf que j'avais un sein qui dépassait. Ah bah oui. C'est là où t'as gagné. Elle a chauffé tout le monde là aussi. Un sein qui s'est fait la malle. Donc j'ai fait le défilé avec un sein dans le débardeur et l'autre totalement sorti. Donc peut-être que c'est ça qui m'a fait gagner. On va accueillir Héloïse dans un instant, mais avant, est-ce que vous voulez un petit jeu sur les compétitions insolites? Oh, tu veux dire qu'on va jouer? Bah, on peut. Oh, qu'est-ce que je l'aime celle-ci. Alors, merci, cette musique, elle me met vraiment en valeur. C'est facile, je vous parle à chaque fois des championnats, des compétitions, vous essayez de deviner de quoi il s'agit, d'accord? Ok. Ça, c'est bon, le premier est compliqué. Un championnat du monde qui mélange deux sports qui n'ont rien à voir, à votre avis. Genre un sport très calme, très cérébral et un sport de combat. Anso? Oui. Le yoga et la boxe? Alors la boxe, oui, mais c'est pas le yoga. Ah. La pêche? Non. La pétanque? Non. Les échecs? Ah, oh oui. Ah, donc genre, à chaque fois que tu te fais manger un pion, tu te colles un pain. C'est à peu près ça, ça s'appelle le chess boxing, et le match se déroule en 11 manches, donc 6 rounds de jeu d'échecs et 5 de boxe. En fait, c'est l'un après l'autre, quoi. Faut être doué dans les deux disciplines. Ah ouais, il faut garder la tête froide, quoi. Ah ouais, c'est chaud, hein, quand tu t'es pris plein de patates. Une compétition de hockey particulière. Qu'est-ce que ça peut être? Du hockey nu? Non. Sur un support étrange? Non. Sur des êtres humains? Non. C'est du hockey sous-marin. Et oui, les équipes doivent jouer avec une crosse spéciale et un palet qui reste au fond de l'eau. Le hockey sous l'eau, quoi. Ah, c'est chaud. Oui, mais ils font ça avec des bouteilles. Non. Et en fait, ils sont, leur tête, elle est à la surface. Mais le truc, il est sous l'eau, quoi. Ah, c'est pas pratique. En apnée. Voilà. Un championnat du monde qui pue, qu'est-ce que ça peut être, selon qui vous? Qui pue. Ah, c'est le championnat du monde de doigts qui pue. Non. Vous avez pas d'idée? La plus grosse merde. C'est l'orteil de fer. C'est une compétition de bras de fer, mais avec les yep. Ah oui, j'avais vu ça. Mais c'est horrible. C'est dégueu. Ouais. Et ça doit pas être facile, hein. Ça serait cool qu'on fasse une petite démo. On essaiera après, les gars, là, pour les stories. Si, le yep de Thibaut contre le yep de Flo. Non. Oh, si, c'est archi drôle. Un championnat japonais pas moral, à votre avis? Ah, il y a un truc avec du cul? Non. C'est encore plus malsain que ça, je trouve. Bah, ils pètent des choses avec leurs fesses ou non? Ils font ça? Non. Ils tuent des gens? Ah non, mais c'est effectivement avec des gens. Ils se frappent, bien. C'est là. Non. Hein. C'est le Naki Sumo. Deux sumos viennent avec un bébé. Ils doivent faire pleurer le bébé de l'adversaire plus fort que le sien. Ah, oh, c'est horrible. Ça existe depuis plus de 400 ans et ça cartonne là-bas. Mais c'est horrible. Le Naki Sumo. Bah, excuse-moi, c'est non, pas mais ma faute. Au-delà de ça, c'est hyper traumatisant. Bah, j'entends bien, mais c'est pas dire ça au sumo. Une compétition en rapport avec du fromage, à votre avis? Celui qui mange le plus de fromage? Non. Bah, elle lui dit pas ça comme ça, ça aurait pu être. Et ça aurait été trop tu simple. Tu l'as dit avec un dédain. Non. Vous savez pas? Je sais pas. Non. Le cheese rolling. En fait, on balance un fromage du haut d'une colline et des dizaines de participants doivent dévaler la colline pour rattraper le fromage. Ah ouais. Et ça peut aller jusqu'à 100 km/h. Attention. Mais ça doit être génial en vrai. C'est trop marrant. Tu dois te casser la gueule de ouf. Ah mais il y a des images de ça, j'en ai déjà vu. Les gens, ils tombent, ils se ravagent la face. J'en ai encore deux, trois, mais je vous les garde pour après. Qu'est-ce qu'elle est douée en plus. Là, non seulement en jeu, mais en plus en suspense. Bravo pour le susu. Bonsoir Héloïse, du côté d'Aix-en-Provence. Bonsoir. Comment ça va Héloïse, 13 ans? Ça va très bien et vous? Oh, bien. Oui mon chat, tu parles tout doucement parce que tes parents écoutent? Non, parce qu'ils sont sourds, mais c'est que mon frère, il travaille demain à 4h du matin. Donc, D'accord. Ok. Voilà. Bon, bah, bon courage à lui, on t'écoute. C'était quoi ta compétition? C'est j'ai été 3e départementale de compétition de Scrabble. Ah bah, pas mal. C'est Le Scrabble. Ah, mais attends, mais ça fait longtemps que j'avais pas entendu parler du Scrabble, moi. Mais tu joues depuis longtemps? Mais non, en fait, en CM2, genre notre prof, elle nous a donné des fiches, pour un concours, mais comme ça, genre ça faisait, ça, il y avait deux classes qui jouaient dans l'école, et j'ai été sélectionnée, donc je suis allée dans une ville. Et j'ai passé à la compétition. On était 3 sélectionnés. Il y avait une qui était 8e, moi qui était 3e et une autre qui était 2e. Ah, félicitations mon chat. Alors, franchement, le Scrabble c'est hyper difficile, donc tu dois être très intelligente. Oui Thibaut. Mais le truc c'est que tu vois, pour l'instant tout se passe bien, elle a 13 ans Héloïse, mais quand elle aura 18 ans, elle va inviter les premiers garçons et tout ça, ça va venir. Et puis là toi t'auras le mec qui va faire mais les gars on n'est pas pour faire un Scrabble, et elle va vraiment sortir le truc. Et si tu vois, elle va jamais qu'elle. Et alors il y en a qui adorent ça le Scrabble, attends. Non, si c'est cérébral, c'est sympa. Flo, c'est quoi ton plus gros coup au Scrabble? Ah voilà, j'avais posé la même question, c'est quoi le mot qui rapporte le plus de points? Xylophone. Mais ça dépend en fait, parce que ça dépend. Enfin là, c'est pas vraiment un Scrabble comme on joue en jeu de société. C'est en fait, ils nous donnent une grille avec des lettres et une autre grille qu'on doit compléter. Et genre, ils nous donnent des lettres sur un tableau. Et genre, on doit faire en 15 secondes le mot le plus long. Et à la fin des 15 secondes, ils nous donnent le mot le plus long. Et après, on note sur un papier. Ah, faites pas un genre, vous avez compris les règles. Non, moi j'ai pas compris, mais ça a l'air hyper stylé, mais j'ai pas compris la règle. C'est plus comme les chiffres et les lettres. Ah, d'accord. Ouais, un peu, voilà. Bah, c'est un doux mélange. Ouais. Oui. Bon. C'est un subtil mélange, oui. Eh ben écoute, Héloïse, pour le coup, c'est une compétition originale. Donc merci, mon petit chat, d'avoir appelé. Et continue là-dedans. Bah, si elle a envie. Non, mais continue si ça te détend. Voilà. Ben on a paumé le Scrabble, donc. Ah oui. Ah merde. C'est plus compliqué. Ah bah non, mais c'est trop dommage. Et tu peux pas, je sais pas, en demander un pour un anniversaire, un truc? Bah, en fait, on en a un chez ma grand-mère, mais il faut le chercher, quoi. Bah vas-y, elle s'en fout du Scrabble au bout d'un moment. Hortensia, mot compris. Non mais c'est vrai, au bout d'un moment, moi, ma grand-mère, elle avait plein de jeux de société, elle y a vu que du feu, je lui ai soupiqué. Bon, Héloïse, en tout cas, est-ce que tu vas bouger un peu pour les vacances, là? Je vais aller voir mon grand frère en Normandie. Ah, tiens. Demande-lui d'acheter un Scrabble. Ok. On te fait de gros bisous, Héloïse. Bisous, mon petit chat. Moi aussi, bisous. Est-ce que je peux passer juste une dédicace? Évidemment. D'accord. Alors, je passe une dédicace, du coup, à ma meilleure amie Chloé et à Jérémy. Voilà. À Jérémy. On embrasse Chlo-Chlo et Gégé. Bisous, Héloïse. Bisous. Bisous. Au revoir. Et l'équipe. Oh, mais nous aussi, on t'aime. On t'aime en compte triple. Bisous. Ciao. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une compétition de portée de femme qui existait aussi? Quoi? Oui. Ok, un homme porte sa femme, il y a un parcours d'obstacles, il doit réussir le plus vite possible. Ça a été inventé en Finlande, cool, et là-bas, ça cartonne. Voilà. C'est un peu. Du coup, il y a des catégories? Non, il n'y a pas de catégorie. Si, les gens sont pas égaux. Il y a des femmes différentes. Et puis il y a des hommes qui sont plus forts que d'autres et tout ça. C'est le but de la compétition. Si tu t'inscris, on va pas commencer à faire un truc par poids, par taille. Comment ils font à la boxe? C'est pas non plus un sport comme la boxe, c'est une petite compète, quoi. Non, mais moi je m'en fous, les règles, c'est les règles. Ah oui. Alors, essaye de me trouver les règles pour le championnat le plus con du monde dont je vais te parler maintenant, c'est-à-dire le championnat du monde d'épépinage de groseille à la plume d'oie. Oui, ça existe, il faut épépiner le plus de groseilles avec une plume d'oie. J'avais compris, hein. C'est dans le titre. Tout était dans le titre, hein. C'est comme par exemple la Coupe du monde. Alors explique-moi ce que veut dire la Coupe du monde de football. Tu sais pas. Je préfère être clair, mais qu'est-ce que c'est con comme championnat? Ouais, mais cela dit, ça doit détendre des pépins et groseilles. Ouais. En plus, c'est pas bon les pépins groseilles. Regardez, ça doit être chiant quand même. Flo, est-ce que t'as déjà fait une compète? Est-ce que t'as déjà gagné un tournoi? J'en sais rien, moi. Alors moi, j'ai jamais rien gagné. J'ai jamais gagné de tournoi de compète pour une raison simple, c'est que je suis une grosse merde. Voilà. Tout simplement. Mais non. Mais tout c'est faux. Mais non, même au cross de fin d'année, putain, je termine dernier comme une merde. Je suais, j'étais tout rouge et j'ai failli m'évanouir. Mais rien, même pas. T'as jamais rien gagné. Rien. Hyper triste, non? Moi aussi, en marque au cross, je suais, pareil. Ah, elle m'a resté une gouttière. Alors, ce qu'on va faire, parce que quand même, on en a parlé tout à l'heure, là, dans les minutes qui arrivent, pendant qu'on va s'écouter du son, on va s'écouter Dua Lipa, vous allez me faire ce bras de fer des yep avec Thibaut. Ça, je suis sûre que tu vas le gagner, mon Flo, et puis au moins, ce sera une première victoire dans ta vie. Mais j'ai pas envie. Et nous, on a très envie. Et de toute façon, tu n'as pas le choix, puisque c'est bien connu chez Mario et Anso, on te force. Et dans un instant, sur Fun Radio, on va vous offrir vos places pour aller passer le 14 juillet à Disney et assister à l'avant-première du film Fun Radio Ant-Man et la Gap. C'est juste après Dua Lipa. You call me all friendly, tell me how much you miss me. That's funny, I guess you heard my songs. Well, I'm too busy for your business. Go find a girl who wants to listen. Cause if you think I was born yesterday, you have got me. So I cut you off. I don't need your love. See you. tell you why. You say you're sorry, but it's too late now. So save it, get gone, shut up. Cause if you think I care about you now, well, boy, I don't give a fuck. I see you playing yesterday. I see you playing on your knees. Boy, I don't give a fuck. So stop trying to get to me. Get to me. Get up off your knees. Boy, I don't give a fuck. Mario and Soul Night Show en direct avec vous jusqu'à minuit mais... Oui, ça sent les vacances. Pendant que certains sont en vacances, Marion et Anso tiennent la baraque. Le Night Show. 22h minuit. On Fun Radio. Julien Peretta, c'est ce qu'on va écouter dans un instant sur Fun Radio. Et là, vous vous dites, ça, c'est Julien Peretta? Ouais, mon pote, c'est le nouveau. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que dans le Night Show, on ne te fait pas découvrir des choses? On te fait découvrir du rêve, du kiff, du Julien et du Peretta. Tu sais qu'au-delà du fait qu'il soit chanteur, il a écrit pour plein d'artistes. Hein. Clean Bandit, Kygo, Jessie J, Tayo Cruz, mais une tonne d'artistes. C'est un écrivain, oui. Ah, oui, je tenais à le dire parce que quand même, c'est une petite personne complète. Ah oui. Mais il paraît qu'il fait des très bons clafoutis. Geoffrey joue avec nous du côté de Caen pour tenter de gagner sa journée à Disney. Bonsoir Jojo. Salut. Geoffrey, tu as 25 ans? 23. 23, d'accord. Eh bien écoute, j'ai le droit de te vieillir si j'en ai envie. C'est vrai. Tu es déjà allé à Disneyland dans ta vie ou pas? Une fois. Bon, là vraiment le contexte est particulier puisque si tu gagnes, non seulement tu kiffes les attractions avec la personne de ton choix toute la journée, mais en plus ce soir, bim, petit costard. Ou autre, hein, si tu veux aller en Bermuda, on n'est pas contre, mais enfin quand même. Ouais, c'est vrai, on va faire comme dans la Manche, hein. Tongue et chaussettes. Ouais, non. On se sape un peu. On a compris que c'était une pointe du mur, mais enfin on déconne pas quand même sur la fashionista. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même l'avant-première du film Fun Radio Ant-Man et la Guêpe, il y a les acteurs qui seront là, il y a le cocktail, il y a la totale toute la soirée, donc franchement, il faut que tu sois au top, mais pour ça, il faut gagner, mon Geoffrey. Oui. Je vais te décrire un personnage Marvel dès que tu penses l'avoir reconnu. Tu m'arrêtes. D'accord. Okay, ça marche. Allez, pour l'instant, on n'a pas encore eu d'échec. Ça m'embêterait que ce soit toi. Ça serait bien. Ça va me faire tanner par mes potes. Je suis apparue pour la première fois dans un comics en mai 1962. Et je suis un des héros les plus forts de l'univers Marvel. Mon vrai nom est Robert Bruce Banner. Je suis un grand scientifique qui doit ses pouvoirs à une expérience avec des rayons gamma qui a mal tourné. Ouais, je l'ai. Oui, bon, pas la peine de dire je suis vert, du coup. Non. Oui, bon, pas la peine non plus de dire que la traduction anglaise de mon nom, c'est carcasse. Ah, tu savais pas ça? Ah non, je ne savais pas. Et voilà. Et donc, tu dis, c'est qui? C'est Hulk. Et c'est gagné. Alors, félicitations, Bichon. C'était très bien joué. C'est vrai que c'était facile ce soir, mais tu le mérites. On t'envoie à Disney dimanche. Tu vas kiffer. Est-ce que t'as une attraction préférée? Pas spécialement. Bon, écoute, tu vas aller découvrir. Il y en a pas mal de nouvelles qui sont sorties depuis que tu y es allé, je pense. Oui, j'ai emmené ma petite femme. Elle n'y a jamais été, donc. Et ben voilà, vous avez passé une journée de ouf, plus l'avant-première d'Ant-Man et la Guêpe, plus le cocktail dînatoire, parce qu'on n'oublie pas la saucisse feuilletée. Et puis dis donc, les parades en journée, c'est toujours sympa, hein. Ouais, et puis la photo avec les personnages aussi. Enfin, tout ce qu'il y a à faire à Disney, tu te régales, quoi. Oui. On t'embrasse, Geoffrey. Merci, bisous. Bisous, mon chat. Bisous, à bientôt. Et puis on rejoue demain, donc pas de panique. Voilà, il y aura encore une fois du Disney demain. Mercredi, c'est tout Tomorrowland qu'on vous offre. Ouais. Ça, c'est cool. Et ça, c'est énorme. Et vous êtes très nombreux à déjà demander comment gagner. Bah, déjà, inscrivez-vous au 01 42 48 5000. Dans un instant, on va parler du cas Léon. Sa mère lui fait honte. Ah. Mais genre vraiment, vraiment honte. Elle fait un truc, personne n'a envie que nos parents fassent ça, quoi. Ah bon? Ouais. Vous allez découvrir tout ça juste après celui qui écrit pour plein de rostas, c'est Julien Peretta. Like a line of a melody, yeah, I heard you tonight. So I'll toast to the times, played out in a cemetery, yeah, I'll toast to the times. Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me. Chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. Be my sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hard is to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. on the line. Some say love never dies, but a bullet went into me and I lost every fight. One more drink for the ride, put me out of my misery and I'll fall to the fire. 'Cause I'm falling for every sign, calling out for you, calling out for me, chasing the sounds till I have you by my side. Calling out for you, calling out for me, till we rewind. You'll be my sad song, got you on repeat. Play my sad song into the night. You'll be my sad song, hard is to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. It's okay if I believe it, 'cause everywhere I go, somehow you're close to me. You'll be my sad song, got you on repeat, play my sad song into the night. You'll be my sad song, hard is to believe that my sad song's all that reminds. You got me on the line. Dans un instant sur Fun Radio, nous allons jouer ensemble dans ce studio. Nous allons jouer à un jeu d'été, à un jeu de plage. Le perdant devra aller faire un défi dans la rue. Je ne vous en dis pas plus, on sera en Facebook Live. Restez bien là, il y a le Pourquoi tu m'appelles qui débarque aussi tout à l'heure pour vous offrir un iPad mini. Ah, ça fait toujours plaisir. Hein. Ah, bah, oui. C'est vrai qu'avant de partir en vacances, l'iPad il passe toujours bien par où il passe. Oui. Léon nous a appelé de Limoges. Bonsoir Léon. Bonsoir, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Alors, Léon, mon petit poulet, toi tu appelles donc de Limoges, la vie se passe bien là-bas, est-ce que t'es en vacances? Ah, je suis pas sûr. C'est impeccable, en vacances quoi, au fil du soleil. En vacances jusqu'à quand? La semaine prochaine. D'accord, eh ben, écoute, profite bien. C'est rapide quand même, hein. Tu reprends le boulot? Ouais, c'est ça. Tu bosses dans quoi? Dans la vente. Dans la vente, d'accord. Alors Léon, il paraît que toi, t'as un souci avec papa-maman. Ouais, ce qui est chiant, c'est que la semaine dernière, ma mère a envoyé un message à, moi, à ma copine et à moi, et à la fin, mettre bisous, papa, maman. À chaque fois, quoi. Ah, donc elle envoie des messages à ta copine et elle signe papa, maman. Ouais. Ah, c'est chiant. Ah, c'est un peu gênant. En fait, ça dépend, ça fait combien de temps que t'es avec elle? Ça fait 2 mois. Ah ouais, non, c'est beaucoup trop intrusif, là. Ouais, c'est chaud. Mais non, mais ils ont pas fait ça volontairement. Ah bah si, tu mets pas la copine dans l'eau, tu envoies que à ton fils. Mais enfin, oui, mais c'est pas si grave. Mais si, la pauvre. On sait bien que c'est la mère, quoi. Ouais. C'est écrit, quoi. Eh oui, c'est vrai. Papa-maman, comment tu veux qu'elle réagisse aussi après? Elle répond comment, la copine, du coup? Elle est complètement perdue. Elle est à côté de moi, puisqu'on était ensemble. Non, mais les gars. Elle m'envoie le message, quoi. Non, mais Léon, je comprends qu'à un moment donné, ça puisse être un peu gênant, mais il faut regarder. Enfin, je sais pas, moi, je reçois un message de la mère de mon mec qui signe maman. Genre, je le regarde avec connivence et je dis, ah, c'est rigolo, ta mère l'a signé maman, mais. Je trouve, enfin, tu vois, c'est pas la honte. Non, c'est pas la honte, mais ça peut faire flipper dans le sens où, putain, on en est déjà là, quoi. C'est la pression, tu vois. Si la meuf, elle veut pas trop s'engager et tout, arrête, Flo. Oui, c'est grave. Non, mais vous rigolez, mais moi, je me mets à sa place. Moi, ça m'aurait fait flipper. Donc, il faut pas que ça la fasse partir en courant aussi. La pauvre, elle se dit, je suis tombée où? Ça y est, je suis déjà dans la famille. Mais surtout, ce qui est chaud, c'est qu'au bout de 2 mois, Léon, la belle famille, elle envoie pas de texto à ta meuf. Hein. Voilà. De base. Bah, voilà, tu vois. Non, mais le fond du problème, c'est pas de signer papa et maman. Si, ça fait partie du problème. C'est grave. Le problème, c'est d'envoyer de base un texto. Le problème, Léon, c'est que tu sois avec cette meuf. Tu veux? Mais moi, c'est pareil. La dernière fois, ma mère m'envoie un message avec bisous, maman, je t'aime. Je suis t'as cru que j'étais ton fils ou quoi? Mais elle t'envoie à toi. Arrêtez. Là, c'est vrai que c'est bizarre. Moi, je sors avec un mec depuis pas longtemps. Je reçois des messages de ses parents qui signent papa, maman. Je me dis, bah non, s'il te plaît, quoi, laissez-moi tranquille 2 secondes. Moi, de base, je me dis, c'est chelou que je reçoive déjà des textos. Après, bon. Signer papa, maman, franchement, je trouve pas ça si dérangeant que ça, en vrai. Et après, il y avait quoi dans le corps du message? C'était rien du tout, c'était pour prendre des nouvelles, c'était quoi, Léon? C'était pour prendre des nouvelles, quoi. Mais bon, on peut éviter le papa et maman, quoi, c'est gênant. À me regarder, je dis, je dois répondre comment là, enfin, je sais pas, enfin, elle s'est sentie gênée. Ah oui, je comprends. Alors, ça fait que deux mois, quoi. Clou. Moi, au-delà du fait que je trouve que ce soit grave, je trouve ça même limite dangereux. Alors pourquoi va au fond de ton truc ? Eh ben pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il s'immisce, ça veut dire qu'il t'espionne, ça veut dire qu'un jour, peut-être, ta mère va coucher avec ton père. Vous dites n'importe quoi. Léon, mon chat, en soi, de toute façon, tu peux rien faire à part rassurer ta copine, parce que voilà, nos parents font tous des trucs un peu relous, gênants, c'est une fois quoi. Dans la vie. Bah oui, on va en parler d'ailleurs, vous pouvez venir bitcher sur vos parents, s'ils font un truc qui vous gave, c'est le moment là, vous aurez 42, 45 000. En quoi vrai, moi je trouve que si par exemple vous avez une maman qui vient vous chercher au bahut avec une plume dans les fesses, là c'est très gênant. Après, que votre maman envoie à votre mec ou à votre meuf signer maman ou papa maman, c'est pas si grave quoi. Il y a deux teams, pour moi c'est grave. Ouais. Pas Léon, rassure ta meuf, tu dis qu'ils sont comme ça, ils sont un peu excessifs, intrusifs, mais ils sont très cool. J'ai essayé d'éviter le truc quoi. Ah, voilà. J'ai bien galéré, mais bon. Tu lui dis pas de pression, ça veut rien dire, c'est pas pour ça que je t'inclus dans ma famille. Ouais. Fais gaffe quand même. Ok Léon. Ok, pas de soucis. Bon, t'inquiète pas mon pote, c'est plutôt rigolo, plutôt qu'autre chose. En vrai, c'est pas grave, on charrie mais y a rien. Mmh. Ouais. Ouais. Et sinon, de toute façon, Léon, y a qu'une seule chose à faire, t'en parles. Tu dis voilà, ça me dérange. Peut-être la prochaine fois, envoyez-moi un texto, l'inclus est pas dedans. Voilà, tu mets les choses au clair, c'est tout. Bah, je pense que c'est ce que je vais faire, ouais. Voilà, bah fais ça. Flo ? Ou tu changes de pays directement. Le numéro d'adresse de visage. Je sais pas, mais tu me payes alors. Ah, mais avec plaisir. Je t'héberge. Léon, merci beaucoup d'avoir choisi le Night Show, mon pote. On te fait de gros bisous. Gros bisous, je vous adore. Salut. Bisous, Léon. Courage. Et vous aussi, venez bitcher sur vos parents, là, s'ils ont fait un truc un peu relou, un peu intrusif, un peu chiant. 01 42 48 5000, on va s'écouter Calvin Harris dans un instant. Oh là là, attendez, Calvin Harris, on l'a découvert où ? Sur Fun Radio ! Hashtag le Night Show, on est en direct avec vous jusqu'à minuit. Retrouvez l'émission sur Facebook. Marion et Anso. C'est nouveau. Dans la playlist Fun Radio, Dennis Lloyd. Clean Bandit. La radio qui vous joue les meilleures nouveautés, c'est Fun Radio. Salut Adrien, dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été ? Mais carrément Miko, j'ai les platines, la playlist, y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à choisir ton Sam. Sam ? Oui, Sam ! Celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote, comme moi quoi. Cool ! Sam, ce soir, c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. T'es en panique quand tu te souviens que t'as dit à la fille la plus fraîche de la soirée que t'étais dresseur de perroquets. Mais quand elle t'envoie un selfie avec un verre de Sunny Delight, Iced Tea, Fraise, Citron Vert en te disant « Salut, coco !» Oh, mais tu kiffes. Nouveau Sunny Delight, Iced Tea. Drink sunny and enjoy. Pour votre santé, bougez plus. Fun Radio présente So Happy in Paris à Lazare Club à Lyon Confluence. Vendredi soir. So Happy in Paris. La célèbre soirée débarque à Lyon avec en spécial guest Mickaël Canitro et Yass. So Happy in Paris avec Mickaël Canitro à Lazare Club à Lyon. C'est vendredi soir. Et c'est avec Fun Radio, le son dance floor. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio, Fun Radio. Sur funradio.fr. It never fades away, it's staying. Your kiss like broken glass on my skin. And all the greatest loves ending violence is tearing up my voice, left in silence. Baby, it hits so hard, holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. Reminding me to forget. Reminding me I got these scars to get your love. Keep reminding me, oh, to get your love. You left your mark. Reminding me to forget. There's no room in war for feelings. And I know you're no good for me. So I try to forget the memories. Cause baby, it hits so hard. I'm holding on to my chest. Maybe you left your mark, reminding me to forget. It doesn't matter where you are, you can keep my regret. Baby, I got these scars, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark, reminding me to forget. You left your mark. You left your mark. I told you, save it, it's over, and I'll be alright. So hurt me as much as you like. I need you to let go. I got these mental, and I'll be alright. Yeah. Baby, it hits so hard. Vous connaissez Marion? Yes! Vous connaissez Anso? Yes! The Night Show! De 22h à minuit sur Fun Radio. Ne pense plus à rien, rien, rien, rien. On est en direct avec vous, 22h52. Dans un instant, on va jouer à un jeu de plage. Le perdant aura un gros défi à relever dans la rue. Mais avant ça, on bitche sur nos parents. Est-ce qu'ils ont fait ou est-ce qu'ils font quelque chose qui vous saoule, qui vous énerve, qui vous fout la honte? Vous nous appelez au 01 42 48 5000. Ouais, parce qu'on vient de venir en aide à Léon. Léon, bon, voilà, il est avec sa chérie depuis 2 mois et sa maman leur a envoyé un message à tous les deux en signant papa et maman. Bon, moi, je disais que c'était pas si grave que ça. Donc c'est grave, c'est grave. Mais bon, apparemment. La pauvre. Apparemment, c'est le truc le plus grave que vous ayez jamais entendu de votre vie. Mais bon, c'est pas si grave. Faut peut-être juste lui dire à la maman, bah, envoie-moi des SMS à moi, mais pas à ma copine, quoi. Il y a plus grave, il y a ce que faisait ma maman à moi. Ah. Qu'est-ce qu'elle faisait? Coco, alias Colette, me déposait devant le bahut, mais juste devant. À l'heure. Et elle me récupérait juste devant le bahut en voiture. Alors, c'est-à-dire que tu sais, quand tout le monde traîne un peu à la fin des cours et tout, avec tout le monde, dehors, machin, fume sa clope et tout, faut pas le faire évidemment. Eh bien, je devais directement monter dans la voiture et me casser puisqu'elle était là, à m'attendre, 10 minutes avant que ça sonne, devant le bahut. Non, mais c'est vrai que c'est un peu relou, moi aussi je l'ai vécu ça. Bah franchement, alors c'est bien les parents ponctuels, attention, mais là. Et en plus, moi, Betty, elle venait le lundi me chercher, sinon je prenais le car, mais elle venait me chercher avec toujours des chapeaux, alors, l'impression qu'elle allait à un mariage, quoi. C'est genre, c'était madame la baronne qui débarquait chercher son enfant à l'école, c'était horrible. Oui, Thibaut. Mais vous, vous avez de la chance parce que quand tu vois, tes parents ils venaient te chercher, ils disaient bon bah je serai là à telle heure. Ouais. Moi pareil, mes parents le matin, hyper bonne humeur, ils me disaient bon ce soir tu prends pas le bus, on viendra te chercher. Et bah, au moins une fois par semaine, qui me disaient ça à chaque fois, je les attendais tout seul. Mais oui, ils oubliaient de me chercher. Mais c'est pas grave. C'est pas genre ils étaient en retard, c'est ils ont oublié que j'existais. C'est ils m'ont laissé tout seul devant le collège. Mais c'est stylé, tu peux traîner avec tes potes, tu peux faire des trucs. Mais bon, quand ton dernier pote part, c'est jusqu'à 23h30. Et puis moi j'avais pas de téléphone portable parce que mes parents m'ont dit tu n'as pas besoin, t'en auras pas. Comment tu fais après pour faire tes 6 km? Et bah je l'ai fait à pied, voilà, je rentrais à pied chez moi. Ah, ça va, 6 km. Tu fais, je fais quand pour faire mes 72 km? Bon, de toute façon, tout le monde a des parents qui ont fait un truc un petit peu chelou. Donc appelez-nous, on partage ensemble. John nous a appelé du côté du Mans. Bonsoir, John. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Sont-ils traumatisés? Alors, John, 15 piges. Pourquoi tout le monde regarde? Comment ça va, les filles? Ouais, ça va très bien, merci. Raconte-nous, qu'est-ce qu'ont fait tes parents, toi? Ah bah, moi, en fait, c'était ma mère en public, elle m'appelle avec des petits noms mignons. Ah oui, genre? Mon prince, mon bébé. Non, mais après, en plus, John, je comprends que parfois, devant tes potes, t'as envie de te la raconter et tout, mais en vrai, c'est hyper cool d'avoir des parents qui nous montrent leur amour. Il y a tellement de parents qui sont pas cool avec leur môme. En vrai, c'est une vraie chance. Tu peux montrer ton amour, mais en privé, mais pas devant tous les potes. Attends, moi, quand j'allais en classe de mère, ma mère, elle me laissait chaque mot dans chaque petite culotte pour les chaque jour de la semaine où j'étais pas avec elle. Et toute la classe voyait que j'avais des mots dans les petites culottes, mais j'ai toujours trouvé ça génial. J'ai toujours adoré trouver des mots dans les petites culottes. Mais non, j'avais toujours une belle journée, mon amour. Et dans les culottes. Mais on s'en fout d'où c'est caché. C'est pour l'avoir tous les jours. Je trouve que c'est une super attention. Oui, d'accord, mais c'était à toi, c'était privé. Elle t'appelait pas ma petite crotte devant tous tes potes, quoi. Ah, si, parce que en classe de mère, tu dors bien avec 8. Parce que non, c'était une grande classe de mère. Hein. On était à 16 dans des dortoirs. Dans des dortoirs. Et du coup, tout le monde voyait mes mots. Et c'est hyper chouette. Flo. Non, mais c'est quand même, il y a un juste milieu, parce qu'il y a eu un auditeur qui nous a envoyé un message. Sa mère l'appelait petite merde. Oui, c'est vrai. Donc, bon. Entre mon bébé et petite merde, il y a peut-être un truc à trouver. Ça, c'est vrai, ça dépend. On l'embrasse d'ailleurs, cet auditeur, puisqu'on savait pas trop comment réagir, quoi lui dire, parce que c'est quand même très méchant. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, mais ça devait être fait avec beaucoup d'amour. Ouais. Ah oui, mais c'est bon. John, donc si c'est des mon bébé, mon prince, ça passe. Oui. Mais en fait, je lui dis, à la maison, d'accord, pas en public, tu vois. Ah oui. Ouais. Hey, je sais, mais bon, c'est difficile hein, d'instaurer des règles comme ça avec les mamans. Et puis c'est ta maman, John, quand même, quand t'auras 30 ans, tu seras son prince et son bébé. Bah oui. Eh oui. Bah, oui. Ah mon petit titou. Et j'avais quelque chose à demander à Anso qui n'a aucun rapport. Est-ce que je peux lui demander? Ah bah écoute, je t'écoute mon chat. Alors j'ai vu sur le site de Fun Radio, parce que oui, je n'ai pas de vie, je me balade un peu partout sur les sites, et j'ai vu que le week-end prochain, bah, il y a écrit Anso 14h à 16h avant qu'on rejoigne JB et Adrien Thomas. Est-ce que on aurait un Anso sur Fun Radio comme quand t'animais le 9h midi dans d'autres années? Eh bien John, il faut que tu saches que c'est une personne qui usurpe mon identité et je vais porter plainte. Non, c'est pas vrai, ce sera moi John, ouais. Et oui, Anso cet été, bien, hein. Vous allez la retrouver à l'antenne de Fun Radio en journée. Et je me régale d'avancer. Ah, ça, ça pas. On t'appellera. Ah, bah, ouais. Si vous voulez. Eh, John, bah oui, faudra que tu l'appelles. Elle te prendra au standard, y a pas de galère. Hein. Ouais, 32-28, hein, évidemment. Et il y a plus de force, John. Ah, peut-être, ouais, John, essaye de quand même étoffer un peu cette vie, hein, John. Tu nous fais peur. John, merci d'être aussi fidèle. On t'embrasse très fort, mon chat. Eh ben, on vous fait des gros bisous et puis bonnes vacances dans le futur et puis on se retrouve à la rentrée en pleine forme pour tout péter dans Fun Radio. Merci. Et moi, si tu me cherches, je serai à la piscine. Marion. Éclabousse-nous avec non, ton je bonheur. Je t'appellerai, Marion. Oui, tu m'appelleras avec grand plaisir. On t'embrasse, John. Merci de nous avoir appelés. Bisous, salut. Au revoir. Bisous. Au revoir. Les gars dans l'équipe, est-ce que quelqu'un a eu un parent gênant, quelqu'un qui a fait quelque chose d'un peu chiant, relou? Ouais. Ah oui, Thibaut, bah je m'en doutais. Bah ma mère justement, la personne qui nous a appelé pour nous dire justement que ses parents, tu vois, ils faisaient des trucs relous avec les messages, ma mère fait un truc un peu similaire, c'est que quand elle a pas de nouvelles de moi par exemple, et bah elle va demander à ma meuf si je vais bien ou elle va demander à mes potes parfois. Hier, elle a envoyé un message à Anso. Oui, mais moi j'adore parler avec ta maman. Ah, moi, non. Ça passe. Moi en revanche, quand elle m'envoie des nudes, faut qu'elle se calme. C'est un peu gênant. Je peux pas te laisser dire ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, elle m'envoie à moi aussi à des très beaux bouses, ma mère. Non, mais tu rigoles, j'embrasse très fort Sabine. Mais c'est mignon, elle s'inquiète, elle connaît tout le monde, donc elle a le droit de nous écrire. Ouais, mais c'est trop, elle a ajouté mon meilleur pote sur WhatsApp. Non, mais ma mère, elle fait pareil, hein, si elle a pas de nouvelles de moi. Ils ont une conversation, c'est Guigui et Sabine. Ah oui, c'est chaud, tu vois. Ouais, mais bon. C'est un peu chaud, j'avoue que là, ça va loin. Alexandre nous a appelé du côté de Paris, la capitale. Bonsoir. Ah oui, c'est la capitale. Mais je te jure. Oh merde, c'est fou, ça. De quel pays? Oui, c'est Dijon. Bonsoir, Alexandre. Salut, mes belles. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. C'est mignon, mes belles. Oui. Ça va, Alex? Hein? Bah, est-ce que ça va? Non. Non. Ouais, si. Bah, et Alex, tu parles à qui, là? Non, je viens juste de voir le voisin en train de sauver Mises, petit ami. Excuse-moi, as-tu abus, Alexandre? Non. Écoutez, la dernière fois que je suis venu, ok, j'avais pris des substances illicites, mais non. Quel mytho. Alexandre, tu nous fais un prank? Non, pas du tout. Nous, on a un radar à prank. D'accord, alors on t'écoute, mon chat, si tu voulais vraiment parler de tes parents, vas-y. Moi, il me fait peur. Mais voilà. Oui. Moi, s'il y a vraiment un truc qui me fait chier chez mes parents, c'est toutes les corvées qu'ils me donnent à faire. Ah, oui, bon, bah, c'est normal, il faut participer à la vie de la maison, hein. Oui, enfin, bon, moi, je veux bien qu'on me fasse porter des bureaux de 40 kilos pour la classe de ma mère, mais. Excuse-moi Alexandre, on ne comprend absolument rien. Alexandre, on ne te comprend pas. Soulever 40 kilos d'Atlas. Non, ma daronne est institutrice. Oui. Et elle doit faire des déménagements et porter des bureaux. Ah, ouais, mais si tu nous donnes pas les tenants et les aboutissants, Alex, on peut pas comprendre, nous. Oh, c'est bon. Et alors, du coup, tu l'aides pour le déménagement, mais ça, c'est gentil chat, c'est, tous les fils feraient ça. Ah non, non, non, en fait, quand il y a ma mère qui demande qui va bien m'aider à porter les bureaux, et soudain, il n'y a plus personne, sauf moi. Moi, je comprends pas ce qui est en train de se passer. Mais attends, mais si, moi, j'ai compris. Mais Alex, t'as pas des frères et sœurs qui peuvent te filer un coup de main? Ah, mais quand je leur demande, il n'y a plus personne. Et est-ce que tu imites vraiment à la perfection ta maman ou est-ce qu'elle a réellement cette voix? Parce que c'est inquiétant. C'est d'accord. Inquiétant. Ah mais Alexandre, j'entends bien, c'est rien du tout de participer aux corvées, de faire des déménagements, d'aider les parents à la maison. C'est tout à fait normal, ça. Hein. Et c'est pas chiant. Et peut-être qu'elle essaie de te faire passer un message, que tu sois déménageur? Non. Ah, non. Ah, c'était une piste. Eh ben, continue comme ça, Alexandre. On l'a tous fait, on aide tous papa-maman, c'est bien normal, d'accord? Eh, mais attends, j'ai pas... Ouh là là, mais il est complètement bourrin. C'est un extraterrestre. Alexandre, ouais. On t'a perdu Alexandre. C'est quoi? On t'a perdu et je crois que c'est pas plus mal. Va dormir maintenant parce que... Et je suis assez de ton avis, Babou. Et 23h, Alexandre, toi, j'ai pas l'habitude de dire ça. J'aime bien que vous restiez jusqu'au bout, mais voilà. Quand même, je crois qu'il était sur une autre planète. Mais on l'embrasse, Alexandre. Je sais pas, peut-être qu'il voulait faire le coq devant ses copains. Je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, je l'ai tenté. Alors, peut-être qu'il était tout à fait crédible et qu'il voyait, il a effectivement vu son voisin en train de... Flo, est-ce que tes parents ont fait un truc gênant, toi? Bah, moi, c'est ma mère en général. Alors, je sais qu'elle m'aime beaucoup, mais même un peu trop. Et du coup, elle a l'impression que je suis parfait, quoi. Oui. Je pourrais chier sur une table, elle trouverait ça extraordinaire. Mais oui, elle trouve aussi. Que je suis parfait, quoi. Bah, c'est génial. Ben non, parce que c'est chiant. Je peux pas faire que des choses bien, tu vois. Ah oui, du coup, elle est déçue facilement après. Non, elle est jamais déçue justement. Ah, elle est pas du tout objective sur moi, quoi. Ah quand même, si tu fais une énorme connerie. Je te jure qu'elle trouvera le moyen de trouver ça bien. Et d'accord. Elle est comme ça aussi avec tes frères, ton frère. Ouais. Ah ouais. Elle a deux enfants et elle les trouve géniaux. Ah, c'est un peu tant mieux. Mais c'est beau. C'est pas trop chiant, ça va le bonheur, c'est pas trop relou. C'est vrai, ça, tu t'en remets quand même. Bah, c'est vrai que moi, ma mère m'a abandonné pas à l'abribus. Bon. Ah bah voilà. Oh non, mais moi, je trouve ça trop mignon. Elle s'appelle comment, maman? Marilyn. Eh bien, Marilyn, on t'embrasse. Effectivement, votre fils est parfait. Enfin, à vos yeux, mais il est. Enfin, physiquement, il y a quelques retouches, mais. Alors, je t'emmerde. Hein. Allez, dans un instant, sur Fun Radio, on va jouer à un jeu de plage, un jeu très connu pour l'été. Et il y aura un défi au bout, c'est juste après Calvin Harris. Like all you need. See wonderland in your eyes. Might need your company tonight. All it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Merci à vous tous d'être avec nous chaque soir. Marion and Soul Night Show du dimanche au jeudi de 22h à minuit. Et j'aimerais passer un message un petit peu triste. Tout de suite que nous avons reçu sur la page Facebook Marion and Soul. Alors ça c'est une musique d'amour, mais enfin ça marche quand même. Mais non, parce que je suis dans cette musique, il dit que sa mère machin, enfin c'est compliqué. Mais... Ouais, mais là je te parle d'un chat qui a disparu. Oh non. Je te parle d'une famille qui est triste. Je te parle de Fabio qui a en plus touché ma corde sensible puisqu'il a dit « Ma famille est triste car notre Wacha à nous a disparu. » Wacha c'est mon chat. Le sien s'appelle Imhotep. C'est un chat pure race, c'est un chat du Bengale. D'accord. Et donc il l'a perdu, il habite à Saint-Désir dans le Calvados à côté de Lisieux. Ils ont plus de nouvelles, ils ont tout fait, les vétos, tout ça, n'importe quoi. Et comme il dit que c'est un chat de race, ça peut être des gens qui l'ont gardé chez eux. Donc voilà, il m'a dit vous pouvez pas passer des annonces pour tous les chats. C'est vrai Fabio, et tu m'as touché dans un plein cœur là. C'est un petit cœur de femme triste qui a été touché ce soir. Ah bah franchement, si vous avez des nouvelles, si vous croisez ce chat, n'hésitez pas. On partage, nous on va retweeter évidemment, partager sur notre page Facebook mon petit chat. Ah bah il est là. Et puis non, en fait, on te souhaite de le retrouver parce que c'est pas facile de perdre un animal. Bon, est-ce que vous êtes prêts à jouer? Oui. Arrête, Imhotep. Alors déjà, est-ce que il y a des volontaires? Je vous le dis, le jeu s'appelle la raquette de plage, c'est tout simple. On n'a rien inventé. Qui veut jouer? Bah moi je veux, mais je veux bien, mais je me demande bien quelle va être la règle. Moi c'est bien aussi. En fait, c'est plutôt un prétexte. La raquette de plage, c'est tout simple. En plus, ce sont de jolies raquettes aux couleurs Fun Radio où vous allez jouer, si vous le souhaitez, hein, Thibaut et Anso, dans ce studio. Oui. Nous, avec Flo, on va être les arbitres. On va décider de qui est le grand perdant. Vous allez faire deux, trois échanges. D'accord? Okay. Le grand perdant, et c'est là où ça va devenir rigolo, va devoir partir dans la rue. Il va devoir se mettre au premier feu rouge, là où il y a beaucoup, beaucoup de passages. C'est une grande avenue en bas de la radio. Okay. Et hurler, mais vraiment hurler le plus fort possible. Je suis le ou la plus nulle du monde en raquette de plage. D'accord. Arrêter les voitures, faire ouvrir les fenêtres, crier, pleurer, enfin bref, se taper l'affiche, le tout filmé pour la chaîne YouTube et pour le Facebook Live, ok? Ok. Allez, viens Titi, vas-y. En plus, c'est cool, on a notre ancien assistant Justin qui est là, qui va te remplacer si jamais c'est toi qui descends. Salut Juju. Salut Juju. Juju que vous retrouvez évidemment dans le morning de Bruno à la rentrée. Enfin, je l'espère pour toi, si le contrat est renouvelé. J'espère aussi. Est-ce que vous êtes prêts les chats? Ouais. Bah, alors... C'est bon, t'as fini de foutre la merde. Donc vous y allez. On est sur toutes les stories là pour l'instant. Marion et Anso, vous jouez comme si vous étiez à la plage et nous on va décider qui est le meilleur. Allez Thibaut, mais il est déjà par terre. Relou ce mec. C'est pas Roland Garros non plus. Allez, c'est parti Babou, tu lances la balle. On fait de la raquette de plage et pas trop fort. Une passe, deux passes. 3 passes, c'est bien Babou. 4 passes, 5 passes, ils sont en train de tout défoncer. Il a sauté sur mon micro. Ok, pour l'instant je donne un point à Anso qui s'en sort très bien. Ce sont des échanges plutôt virulents. Ils y vont, allez-y plus doucement. Vas-y, une passe, deux passes, trois passes. Non, Babou là c'était mal envoyé. Je donne le point à Thibaut, le prochain point est décisif. Ah bon? Allez, faites un bel échange, une passe, deux passes. Défonce là. Oh là là, ils sont nuls, ils sont mauvais. Un dernier échange, une passe, deux passes, trois passes. Non. Bon. Elle a tiré dans le plafond. Il faut qu'on décide. Qui a été le plus mauvais? Je veux pas dire, mais c'est une fille. Et alors, moi, je veux pas dire, mais j'en verrai bien les deux, hein, parce qu'ils ont été pourris tous les deux. Allez, on est nuls alors. C'est vrai. Viens. Ah ouais, allez. Mais vous êtes nuls, mais ils ensemble, vous y allez là. Thibaut, je prends ton téléphone au standard. Allez-y, les petits chats. Vous courez, vous courez, vous courez. Je vous récupère dans deux minutes, juste le temps de partager une petite info à la France. Comme ça, vous me dites oui, vous me dites non. Ah bah, il me reste plus que Justin dans le studio. Justin, allez, c'est toi qui vas rire à mon info, d'accord? D'accord. Ah, écoute bien. Un sondage vient de sortir. Un sondage qui révèle les mots que préfèrent entendre les hommes quand ils font l'amour. Est-ce que t'as une idée? Viande? Non, c'est pas ça. Mais non, mais non. De vrais mots, tu vois, genre, qu'est-ce que les hommes aiment bien entendre quand ils font du sexe? Je sais pas, des compliments. Tu me fais du bien. Ah! Ça, c'est en deuxième position. Et en un, arrête pas. Ah bah oui. C'est rigolo quand même. Et les femmes, elles, c'est good girl, soit bah, gentille fille. Donc moi, à aucun moment tu me dis good girl, je kiffe. Mais c'est un vrai sondage international. Donc les hommes aimeraient entendre tu me fais du bien et arrête pas et good girl. Et non pas viande, comme dirait Juju. Voilà. Petite info que vous prenez pas. La machine à café, moi je trouve ça toujours sympa à ressortir. Thibaut, est-ce que tu es là, mon chat? Là, on passe, on arrive en bas de l'accueil RTL et on sort. Eh ben, c'est nickel, comme ça, on suit tout en direct. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que c'est un grand bâtiment, hein, M6. Hein. Ah oui. Il y a 3 étages à descendre. Ils sont déjà en bas, donc c'est une énorme avenue. Il y a beaucoup de voitures, il y a beaucoup de passages. Et donc, je vous rappelle le principe. Hein, ils vont tout simplement arrêter les voitures, se mettre au feu rouge et devoir hurler « Nous sommes les plus nuls du monde aux raquettes de plage ». Oui. Ça passe au rouge, là, c'est maintenant, là. Allez, go, allez-y. C'est maintenant. Allez-y. On y va. On est les plus nuls en raquette de plage. On est les plus nuls en raquette de plage. Et tu peux dire qu'on est plus nuls en raquette de plage. C'est quoi? C'est raconte. Non, non, non, bouge. C'est qui ça? C'est non. Mais c'est qui? On est les plus nuls en raquette de plage. On sait pas jouer. On sait pas jouer en raquette de plage. On est les plus nuls en raquette. On sait pas jouer en raquette de plage. Ils ont alpagué un gars. C'est mon repos de partir. Branchez-vous sur Facebook Live, on est en direct partout sur Marion et Anso, Fun Radio et... Non mais Thibaut il se donne, hein. Il arrête. Thibaut, tu m'entends? Oh bah Marion. Oui Thibaut. Et... Je te passe Anso. Ah, vas-y, passe-moi Anso, je veux l'entendre un peu aussi. Hein. Allô? Oui Babou, déjà, est-ce que quelqu'un est bien en train de faire le Facebook Live? Parce que je le vois pas sur la page Marion Anso. Bon, je crois qu'on a eu un problème technique avec le Facebook Live. Ouais. Donc là, on remonte. Ouais. Mais en tout cas, on était très contents d'être les plus nuls aux raquettes de plage. Et toi, tu l'as crié aussi, Babou, hein? Mais j'ai pas arrêté, mais enfin, l'autre en douille, il a été pas là, par mon, c'est par vous. Et c'est qui le boulet qui a pas réussi à faire un Facebook Live? Je crois que c'est Flo, il va falloir qu'on le tabasse. Non mais Flo, c'est pas possible, qu'est-ce qui est con ce mec? Tu vois, je ouais, savais qu'il fallait pas le prendre celui-là. Bon, mais remontez, remontez les petits chats, on vous attend, nous on va s'écouter du son là, on va s'écouter Denis Lloyd sur Fun Radio. On va débriefer tout ça dans un instant, de toute façon on vous a tout filmé pour la chaîne YouTube. Et dans quelques minutes on va revenir sur le cas Audrey. Audrey, elle fait un taf assez original et elle va tout nous expliquer sur Fun Radio. You're gonna be my lover tonight. I'll take you with me, take you with me. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands, baby, never mind, never mind. Vous êtes sur Fun Radio, il est 23h14 et c'est un défi relevé pour Anso et Thibaut qui reviennent tout juste de la rue. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont bien hurlé, je suis allée voir les stories Marion et Anso. Effectivement, vous avez tout donné les chats. Vous avez saoulé un mec là, non? Bah, il y avait un gars qui était en scooter devant au feu rouge. Je me suis dit, lui, c'est une personne vulnérable et... parce qu'on peut lui parler. Il était sympa quand même. Il était hyper gentil et puis je lui ai dit, allez, Craig, toi aussi t'es nul au sport de raquette. Et il a dit, mais je suis complètement fou. Et après, au passage piéton, il y avait deux autres jeunes et je leur ai dit, allez, les gars, dites que vous êtes nul au sport de raquette. Et là, ils ont dit qu'ils étaient nuls. Fierté. Il repimpe le truc, lui, en sport de raquette maintenant. Bravo, bravo les petits chats. Nous, on va s'occuper du cas Audrey, là, si vous êtes d'accord. Oui. Audrey, en fait, elle dort actuellement. Ah. On ne peut pas la voir, mais elle nous écoute en podcast, donc on va lui répondre. Elle dit, je travaille de nuit et j'aimerais avoir des conseils. Comment garder une vie sociale, comment manger, comment avoir un bon rythme. Ah. C'est vrai que ce n'est pas facile, c'est tout nouveau pour elle, a priori, ce taf. Et donc, elle ne sait pas trop comment faire, donc nous, on ne travaille pas vraiment de nuit. Hein. Non. Vite non. fait, quoi, on travaille de soirée. Ouais, c'est ça, oui, Flo. Elle travaille de nuit, mais elle dort. Bah là, en tout cas, elle est pas disponible ce soir. Excuse-moi, Flo, t'es en train de remettre la parole en doute de Marion. Écoute, moi, je suis là pour rétablir la vérité non. et je sens qu'il y a envie qui sont. T'es même pas foutu de faire fonctionner un Facebook Live. On va te donner des conseils, quoi qu'il arrive, Audrey. Et si vous aussi, vous avez fait, vous faites un taf original, un taf qui change des autres, vous nous appelez au 01 42 48 5000. On a déjà des histoires de ouf. Et on va écouter Sidney Samson aussi à venir sur Fun Radio tout de suite. No pretty crime, girl, your body is a felony. Réécoutez l'émission en podcast sur funradio.fr et l'application Fun Radio. Il n'y a rien qui te prépare à ce genre de truc. Fun Radio vous offre l'iPhone 10. J'aimerais bien en avoir un. À l'occasion de la sortie du film Ant-Man et la Guêpe, écoutez Fun Radio non-stop. Si on veut avoir une chance, on aura besoin de vous deux. Dès que vous entendez le double fun avec Ariana Grande, mixé avec Kungs, soyez le plus rapide. Appelez Fun Radio au 3228. Vous repartez avec votre iPhone 10 et vos places pour aller voir le film événement Ant-Man et la Guêpe. Qu'est-ce que j'ai loupé ? On était tout riquiqué ! C'est le double fun sur Fun Radio. 3228, service payant 50 centimes d'euros par minute plus prix d'un appel. Salut Adrien, dis-moi, t'es chaud pour tes mix et tes sets de l'été ? Mais carrément, Miko, j'ai les platines, la playlist, y'a plus qu'à. Y'a plus qu'à choisir ton Sam. Sam ? Oui, Sam ! Celui que tu désignes avant de sortir, celui qui conduit et qui ne boit pas. Bien sûr, Sam, le super pote qui a le super pouvoir de te ramener en toute sécurité. Voilà, le super pote, comme moi, quoi. Cool ! Sam, ce soir, c'est toi. Exactement. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Cet été, la série En Famille est de retour. Coucou, c'est nous. Pour votre plus grand bonheur. C'est stylé, bravo. Jacques, Brigitte, Marjorie, Antoine, Chloé, Kader et Roxane vous donnent rendez-vous tout l'été. Bah ouais, quoi, c'est de l'amour, hein. Nouveaux défis et nouveaux conflits. Mais qu'est-ce que vous insinuez ? Bah que cet été, c'est sûr, chez les Le Kervélec, ça va bouger. En Famille, nouvelle saison inédite, c'est tous les soirs à 20h25 sur M6. En partenariat avec Fun Radio. Welcome to the night show. Est-ce qu'on est content d'être là ? Et on est content d'être là ! Marion et Anso, The Night Show. The Night Show sur Fun Radio. I guess you look happier. Juste avant de jouer au Pourquoi tu m'appelles avec vous, on essaie d'aider Audrey, 26 ans, qui veut avoir des conseils puisqu'elle a pris un travail de nuit. Elle veut savoir comment garder une vie sociale, comment s'alimenter, comment avoir un bon rythme. En fait, moi, je pense qu'il faut garder le même rythme que t'as d'habitude, mais tu le transposes à la nuit, hein, tout simplement. Tu fais des repas toutes les 4-5 heures comme si tu faisais la journée. Tu dors au minimum 7 heures, mais la journée. Enfin, tu fais l'inverse, quoi. Ouais, c'est ça. Après, ce qui est compliqué, c'est par rapport à la vie sociale, parce que du coup, les gens, ils ont une vie dite de jour. Oui. Et que toi, bah, tu vas être plutôt en train de dormir jusqu'à midi, 13h, voire 14h. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est que tu te lèves pas trop tard. Ouais, c'est ça. Mais bon, c'est difficile aussi. Et hein. t'habitues ton corps. Bah oui, mais nous, tu vois, on finit tard. On rentre vers 1h, une heure du mat. Moi, je me lève vers 8h30, 9h, tu vois. Ouais. Pour pas garder de... Pour pas niquer toute ma journée, tu vois. Ouais, ouais, je suis d'accord. Mais bon, après, ça dépend de ses horaires. Oui. Si c'est vraiment hardcore, c'est chaud. Forcément, si tu termines à 8h du mat, bah, c'est sûr, tu peux pas te lever à 8h30. Effectivement. Bon, en tout cas, ma belle, les amis, ils vont comprendre, la famille aussi, il faut pas paniquer. Je veux dire, si c'est qu'un taf temporaire, tu les verras le week-end. Je pense que t'as des temps libres aussi. Donc, ça, c'est pas la priorité. Et surtout, faut que tu te reposes et que ton corps s'habitue. Donc, évite de faire la fête, évite de trop t'infliger de choses, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Puis les gens vont s'adapter autour de toi. Les gens t'aiment, hein. Audrey, parce qu'on a reçu beaucoup de messages de gens qui disent ouais, on l'aime, Audrey. Donc voilà, faut pas te poser de soucis. On te fait de gros bisous et vous, vous nous dites si vous aussi, vous avez fait des tafs comme ça un peu originaux, qui sortent de l'ordinaire ou qui avaient une particularité. Babou, est-ce que tu en as eu, toi? Moi, j'ai été standardiste dans l'usine de sucre de Nantes, qui s'appelle Béguincet. Ah bah oui, c'est vrai. Alors que je suis diabétique. C'est un peu cocasse, quoi. Oui, mais à l'époque, tu l'étais pas. À l'époque, j'étais pas. En revanche, à l'époque, j'avais jamais rien compris à leur standard, comment ça fonctionnait. Donc, quand il y a des gens qui m'appelaient, par exemple, pour dire, j'aimerais parler à Monsieur Maé, je disais, il est pas là aujourd'hui, parce que je savais pas comment lui passer. Donc, pendant un mois, l'usine n'a jamais reçu d'appel en interne, parce que j'arrivais pas à passer les appels externes. C'est grave, fallait juste demander. Oui, mais bon, j'osais plus. Eva nous a appelé. Oui, elle est à La Rochelle, c'est une bien jolie ville. Bonsoir Eva. Bonsoir. Salut. Alors Eva, tu as 24 ans. Oui. Et toi aussi, Tu as pratiqué un travail un petit peu original. Alors en fait, c'est pas moi directement, mais c'est une amie qui a déménagé en Australie pour des études. Et en fait, elle fait sirène de parc-mètre. Sirène de parc-mètre, qu'est-ce que c'est que ce dos? On avait déjà entendu. Non. Alors en fait, c'est un peu space. En gros, elle est en bikini doré avec une banderole de Miss et un chapeau de cow-boy avec toute une team en mode mannequin. Et elle se balade sur la plage en fait et elles sont censées renseigner les touristes et gagner un petit peu d'argent. Et avec cet argent-là, et ben, en fait, elles remettent des sous dans le parc-mètre pour les voitures qui sont garées. Mais c'est génial ça pour les touristes. Ouais. Et moi j'étais super original. Moi j'en étais pas du tout aux sirènes qu'on voit dans l'eau. Moi j'étais à une fille l'alarme. Genre par exemple l'alarme. Ah oui. Le type qui paye pas son parc-mètre et qui passe à la bouche, tu vois. Il a pas payé. Mais non, mais c'est rigolo quand même. Donc elle se balade sur la plage, elle essaye de récolter des sous et elles vont réalimenter les parc-mètres pour que les gens soient tranquilles. Ouais. L'initiative est top. Après c'est chiant pour elle, quoi. Après, est-ce qu'elles sont vraiment obligées d'être en bikini? Ah bah oui, je pense que si ça fait partie. Bah oui, c'est le principe. Ça attire les touristes, elles font des photos, elles ont un site web et tout, donc c'est attractif, quoi. Okay. Mais je comprends pas le principe, l'argent qu'elles gagnent, elles le remettent dans un parc-mètre? Oui, parce que comme ça, les touristes, ils sont pas obligés d'aller remettre de l'argent dans leur voiture et tout, c'est hyper cool. Mais comment elles gagnent leur vie? Elles? Oui. Bah, elles sont payées par la société qui les engage. Ah, c'est ça. Il est con, lui. L'argent qu'elle gagne, c'est pas pour leur salaire. Non. Ah oui, c'est marrant parce que l'émission commence à 22h et plus ça va, plus t'es con. Ah, Olivier du standard. Je crois qu'elles sont embauchées par la ville, genre. C'est la ville qui les embauche, donc c'est la ville qui les paye. D'accord. Écoute, c'est sympa, pourquoi pas développer ça en France. Tu vois, ça peut donner des idées à certains, puisque moi, je connaissais pas du tout. Ouais, pourquoi pas. Dans le sud, plutôt. Ouais, oui, de toute façon, je paye jamais le parc-mètre. Excuse-nous, dans le nord, il y a des plages aussi. Hein. Ouais, mais et quid des endroits où il n'y a pas de plage. Eva, merci beaucoup pour nous avoir fait découvrir quelque chose ce soir. On t'embrasse. Merci, bonne soirée à vous. Bisous, ma belle. Est-ce que vous savez, je vais peut-être vous apprendre un truc sur moi. Est-ce que vous saviez que j'avais bossé pour le Festival de Cannes? Oui. Oui. Ah, non, alors d'accord. Ouais, mais je suis sûre que tout le monde ne le savait pas. Thibaut, tu ne savais pas. Alors, honnêtement... Oui, tu savais. Bon, vous saviez aussi que j'avais donné une bouteille d'eau à Eva Longoria? Oui. Oui. Et que j'avais géré tous les réalisateurs sur place? Oui. Et que je les amenais à leur place pour voir les films? Oui. Et que je leur serrais la main? Oui. Et que je montais le tapis rouge tous les jours? Oui, tout ça, tu nous l'as dit. Eh bah quand même, c'est un beau travail. Ouais, oui. C'est le meilleur travail de ma vie, j'ai été payée pour faire ça quand même, rendez-vous compte? Vous. Et même qu'on me prêtait des robes. Ah ouais? Oui. C'est pas vrai, tu vois. Vous saviez pas ça? Et même que j'allais à des soirées super privées. Oui, mais là, tu m'étonnes. Oui, là, je m'étonne. Corentin nous a appelé lui aussi, il a 14 ans. Bonsoir, Corentin. Salut tout le monde. Coucou, coucou. Salut. Ça va, Corentin? Ça va et vous? Ah, Corentin, il y a ta voix qui mue. Ah bon? Eh oui. Oui. Mais c'est bon signe, Corentin, tout va bien pour toi. Raconte-nous, tu voulais nous parler d'un taf un peu original? C'est pas moi forcément, mais en fait c'est ma grand-mère, elle est clown. Ah, c'est archi mignon, elle est clown, mais dans un cirque ou rien à voir? Non, elle fait des anniversaires elle anime quoi. Ah oui. C'est rigolo, mais elle gagne sa vie comme ça, elle gagnait. Pas trop, parce que ça rapporte pas beaucoup, mais voilà. C'est difficile, moi je trouve. Franchement, faire clown devant des enfants, déjà faut avoir des blagues, faut connaître un peu, je sais pas, des tours de magie, des trucs, c'est pas facile. Hein. Mais est-ce qu'elle fait partie de la catégorie des gentils clowns, Corentin? Parce que moi je fais partie des gens, pour moi les clowns ça fait flipper. Hein. Oui, elle est gentille. Ouais. Il va pas dire non, c'est une tueuse en série. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'un clown, un anniversaire, moi ça me gâchait la fête quoi. Ouais, ça me fait flipper. Un clown, un anniversaire. Bonjour les enfants, mais je n'ai pas. Ça dépend du clown. Mais oui. Même. Je suis désolée, j'ai peur des clowns. Et alors, est-ce que tu connaissais quelques tours, quelques trucs qu'elle leur faisait ou pas du tout? Bah, un jour, je suis allée avec elle pour faire la musique et tout parce que elle avait besoin de quelqu'un. Ouais. Et elle faisait un peu n'importe quoi. Elle se jetait par terre des fois. Ah ouais? Ah oui, elle est souple, mamie, quand même. Non, mais faire un roulé-boulé sur ça. Ah oui, mais quand même. Bah, et c'est cool. Mais j'imagine qu'il faut être passionné pour faire ça. Faut aimer les enfants déjà. Faut aimer se déguiser. Et les grandes chaussures. Et les grandes chaussures. Et tu sais ce qu'on dit, hein? Grandes chaussures, grand pied. Est-ce qu'elle faisait un peu de la magie aussi? Oui. Ouais, parce que souvent ça va de pair. Parce que les clowns font des tours de magie parfois. Ils font des spectacles. Est-ce qu'elle sortait des trucs du chapeau? Je sais plus trop ce qu'elle fait, mais ouais, elle fait des trucs comme ça. C'est super cool. Elle s'appelle comment, mamie? Marie-Laure. Marie-Laure. Et elle fait toujours clown actuellement? Oui. Tu lui feras des gros bisous pour nous. Et si tu as une petite vidéo qui traîne, un truc, avec plaisir. Mais surtout, c'est quoi son nom de clown? Clown Groseille. Ah, ah oui, fameux, la fameuse. Non, mais franchement, c'est un clown qui s'appelle Groseille, c'est un clown sympa. Ouais, c'est du coup, il y a des clowns meufs? Ouais. Bah oui, pourquoi pas. Enfin, avec les costumes et tout, je sais pas, moi j'ai revu des monsieur clowns quoi. Sinon en fait, il t'aurait appelé, il t'aurait dit mon grand-père est clown. Non, mais parce qu'elle peut se mettre dans elle peut se mettre dans la peau d'un personnage homme, ça va, écoute. Attendez, mais je suis désolée, donc c'est quoi le costume d'un clown femme? Il y a des livres et tout. C'est le même, c'est une chemise, un pantalon. Bah si, c'est un truc en toile. Mais tu sais, bébé, en vrai, babou. Mais moi, j'ai jamais vu de clown femme. Mais non, mais c'est pas j'en ai jamais vu de ma vie. C'est pas parce que c'est une femme qu'elle est obligée de porter une jupe. Mais évidemment, je dis pas ça, mais quand même. Mais c'est des combinaisons. Moi, j'ai jamais vu des clowns avec les cheveux longs et tout, quoi. J'ai jamais vu de clown femme. Ils les mettent dans le chapeau, ils les mettent dans la perruque. Oui, mais ce serait rigolo d'avoir des clowns femmes aussi, d'avoir une vraie femme en clown, quoi. En fait, tu vois ce que c'est? Un clown, c'est asexué. De toute façon, il n'y a pas de sexualité. Non. Ah voilà, d'accord, et je trouve ça dommage. Parce que finalement, le constat est alarmant, il n'y a pas de bébé clown, il n'y a pas d'enfant. Oui, non. Donc il se reproduit ça. Ça ne se reproduit pas. Eh non. Écoute, Corentin, tu feras des gros bisous à mamie clown, clown Groseille. Oui. Merci mon chat, on t'embrasse. Bisous, Keke. Au revoir. Bisous. Au revoir, bisous. Dans l'équipe qui veut nous confier un taf un peu rigolo qu'il a fait. Rigolo ou original, attendez, on n'est pas obligé de se marrer, hein. Alors le boulot que je faisais était pas du tout original parce que c'était à l'usine, donc tu vois c'est rien de bien fou. Mais ce qui était hyper cool, donc déjà je faisais les 3-8, donc t'avais une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, une semaine de nuit. Et le truc c'est quand on arrivait la nuit, t'avais plus les boss qui étaient là, t'avais plus personne, donc on avait genre l'usine pour nous tout seul. Et avec mes potes de l'usine, on voyait ça genre comme un terrain de jeu. Donc à partir de 3h du mat, c'était course de transpalette. De 4h à 5h c'était apéro. Et de 5h à 6h pour finir la nuit, et là on faisait voilà une compétition. Souvent on faisait un espèce de tour d'usine comme ça. Tu t'es mis à poil. Évidemment, justement. Ah, voilà. Avec le bleu de travail sur les chevilles. Et le but, c'est de faire une espèce de chenille dans l'usine. En tout cas, c'est cool parce que si ça marche pas à la radio, tu sais bien te vendre. Alors, je te jure que j'étais le meilleur employé de l'usine. C'était génial. Ah ouais, j'étais le feu. Il y a Louis qui vient d'appeler et qui dit que sa grand-mère est testeuse de matelas. Je sais pas si c'est vrai. C'est ouf, hein. C'est rigolo, non? Ouais. Et qu'est-ce que vous avez tous avec les grand-mères ce soir-là? C'est fou, ça, ce métier original. C'est des métiers originaux. Non, en vrai, c'est ouf, hein. C'est sympa à faire ça. Après, t'en as d'autres, hein. C'est souvent les influenceurs et tout qui testent les hôtels, ça, c'est génial, hein. Mais ça, pour le coup, le métier, c'est vraiment influenceur, quoi. Et ça, j'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de papy et mamie qui soient testeurs d'hôtels, hein. Non, c'est vrai. Jordan nous a appelé du côté de Bastia. Salut, Jordan. Jordan, tu as 18 ans. Oui. Oula, j'ai l'impression qu'on est face à un téléphone bien pourri. Non, c'est un Samsung S6 Edge, donc normalement ça devrait aller. Ah bah là ça va mieux d'un coup. Ça s'est éclairci, tiens. Mais je crois qu'il était vexé le téléphone, d'un coup il s'est dit, tiens, tu vas voir si je marche pas bien. Alors Jordan, c'est quoi le taf original? Taf original, j'ai mon BEP électromécanicien marine, et quand j'étais au lycée maritime, on faisait des stages sur les navires de la Corsica Line. Ah ouais. Et en un moment, on devait s'occuper de tout ce qui est vase d'expansion. C'est compliqué à expliquer. Non, c'est pas si compliqué. Mais... non, c'est une histoire de turbine. Après, c'est vrai que ça part à gauche. En gros, t'es ingénieur sur les navires, quoi. Non, c'est mécanicien. Les vases d'expansion, ils sont situés au niveau des cheminées des navires, et on devait entretenir tout ça et réapprovisionner en eau et le reste. Et à chaque fois, avec un collègue à moi qui était en stage, on montait en haut et on avait toujours notre petite bouteille d'eau avec nous. Et vu qu'il y a un courant d'air assez impressionnant, suffisait qu'on lâche la bouteille d'eau d'en bas, elle remontait d'un coup la bouteille d'eau, et on se régalait avec ça. C'était... Le seul truc assez original, c'est que c'est vraiment chiant. Il fait, je sais sais pas combien de degrés là-dedans et c'est crasseux comme pas possible. D'accord. Donc, vraiment... Mais du coup, c'est ce que tu veux faire quand même plus tard pour la suite? Oui, c'est ce que j'aimerais faire, mais bon, faut que je passe mon bac. Oui, parce que Jordan, ce que tu veux faire finalement, c'est être ingénieur, mécanicien. Oui, ouais, si on veut. C'est ingénieur, oui, oui. Ah oui. Et il ne faut pas avoir tort. C'est quand même. C'est un peu stylé de bosser sur les navires. Hein. Moi, je trouve ça hyper cool. Ouais, moi aussi. Je trouve qu'il y a un côté quand même un peu sexy en plus. Ah, tu dis ça en soirée, t'as la classe. Ah oui. Ah oui, Jordan, il faut s'en vanter. Et dis-nous, Jordan, qu'on t'a pas vu venir. T'as choisi ce métier juste pour les meufs. Ah voilà. Pour le pompon. Bah oui. Non, le pompon, c'est la Marine nationale. Je l'ai fait aussi. Ouais. Mais t'as tout fait. Mais de toute façon, tu auras ton diplôme d'ingénieur et ton pompon. Tu auras tout ça en même temps, Jordan. Bah, le pompon, oui, je l'ai déjà. Oui. C'est le bachi, la casquette blanche avec le pompon rouge de la Marine nationale. D'accord. Bah, tu sais, nous, on n'y connaît rien, hein, mais on te croit. Ah, si, quand même, le petit chapeau. Ah oui, je vois très bien, mais voilà. Ouais, c'est-à-dire que nous, on voit le chapeau, après, on voit pas bien ce que les gens font, quoi. Non, on voit que le chapeau, quoi. Et Jordan, mon chat continue là-dedans, et puis bah bonne route. Hein. Ça va, merci. Bisous Jojo. Bisous. Et bonnes vacances. Et j'espère qu'on pourra aller bientôt en Corse, parce qu'on adore la Corse, on adore Bastia, on adore toute cette région, je vous le dis. Cette île est magnifique. Et vous savez pourquoi il y a des pompons sur les chapeaux des marins? Mais je crois que mon grand-père m'a expliqué ça, mais il m'a raconté trop de conneries, donc se trouve c'est pas vrai. Mais je crois que c'est en fait, à l'époque, tu sais, ils mettaient un pompon sur le chapeau pour que, comme c'est bas de plafond, quand ils se cognaient, que ça fasse pas mal. Ah, c'est pas bête, dis mais donc. Je suis pas sûr que ce soit ça, parce qu'il m'a raconté tellement de conneries, il m'a dit que les bébés, c'est, ça si, se faisait tuer. Le pompon au sommet du crâne empêchait tout simplement les marins de se faire mal quand ils se cognaient la tête à l'entrepont ou aux portes des cabines particulièrement basses. Mais c'est ça. Ah bon. Et voilà. Mais quelle culture. Oh non, parce que vous dites le night show, c'est cool, on arrive pour la déconne. Ben c'est pas que ça. Voilà, parce que votre cerveau, il va se dire, tiens, hop, j'emmagasine, et d'un coup, paf, vous devenez ingénieur. Allez, dans un instant sur Fun Radio, on va jouer ensemble au Pourquoi tu m'appelles. Vous allez pouvoir gagner votre iPad mini. On vous le disait tout à l'heure, effectivement, ça fait du bien. Par où ça passe? Oui. Vous vous inscrivez au 01 42 48 5000 et on se retrouve après Cindy Samson. Hey, bend up your knees, hands by your waistline, bend up your knees. Put your hands by your waistline, bend up your knees. No petty crime, girl, your body is a felony. Put your hands by your waistline, bend up your knees. Hands by your waistline, bend up your knees. Put your hands by your waistline, bend up your knees. No petty crime, girl, your body is a felony. Your body is a felony. Now me love how your waistline roll, girl. You're speeding, girl, slow it down. Now me bout to get out of control, girl. Might need back up another officer's down. Hands up, yeah. Pack it up, yeah. Nice curves, beep like a truck, yeah. Lift it up, yeah. Put it up, yeah. Hey, officer, can you turn on the siren? I lock the door, I'm not gonna run. Please, officer, can you step on the pedal? Pop up the sound, I wanna have fun. Can you get on the radio? Tell them I'm coming to get everyone. Please, officer, can you turn on the siren? I like the door, I'm not gonna run. Put your hands by your waistline, bend up your knees. Hands by your waistline, bend up your knees. Put your hands by your waistline, bend up your knees. No petty crime, girl, your body is a felony. Turn on the siren, y'all. on va, gal. Il est 23h34 et il faut qu'on vous parle juste avant le pourquoi tu m'appelles de cette info complètement ouf. Vous connaissez le fiche pellicure? Ah ouais, c'est horrible. Bon, le principe, on met des pieds dans un bassin rempli de petits poissons qui sont censés manger les peaux mortes. C'est censé être agréable, tout ça. C'est bien pour lisser les pieds, quoi. Eh bien, une Américaine a réalisé une fiche pellicure. Sauf que ça s'est mal passé pour elle, écoutez bien. Elle a perdu 6 de ses ongles de pied. Oh, en fait, chaud. Non, mais c'est horrible. Et en elle fait, est morte? Non. En fait, elle souffrait d'une maladie qu'on appelle onychomadèse ou onychomadèse, j'en sais rien. Et les poissons ont accéléré le processus. Elle savait pas que ça ferait ça, pauvre femme. Et donc voilà, du coup, plus d'ongles de pied quand elle a sorti ses yeux du dos. Ça doit faire mal, hein. Bah oui, donc un médecin qui l'a ausculté a déclaré que aucun dermatologue ne recommandait cette pratique de toute façon, qui soi-disant représentait un gros risque d'infection bactérienne. Donc le conseil du Night Show, on va pas à la fiche pédicure. Non. D'abord, de toute façon, il y en avait plein dans Nantes, par exemple. Hein, c'est un exemple que je donne. Et ils ont tous fermé. Je crois que ça marchait pas beaucoup. Mais du coup, elle est morte. Non, la personne n'est pas morte. Elle en vit. Cela dit, elle n'a plus d'ongle de pied. Donc, c'est vaut mieux être morte, non? Non, bah, c'est vrai. Non, mais quand même. Bah, quand même. Bah non. Mais oui, mais là, c'est l'été pour mettre les tongs. Bah, tu mets des chaussures fermées, hein. Tu mets des Stan et puis roule. Hein. Oh, c'est terrible. Bah, on l'embrasse, cette Américaine. Oui, Flo. Moi, je fais pareil avec ma meuf. Quoi? Elle fait des bains de pied dans ma bouche et je lui mordis les peaux mortes. Ah. C'est dégueulasse. Mais qui a ramené ce gars? Coucou les enfants, voici de la musique rien que pour vous. Salut salope. Je vais te l'enfoncer profond. Je t'emmerde, connard. Ta grand-mère, la grosse salope. Pourquoi tu m'appelles? Bah c'est toi qui m'appelles. Eh, vous avez que ça à foutre à ce temps-là? Mais t'es complètement con, ma pauvre fille. C'est dans le Night Show sur Fun Radio. On vous offre votre iPad mini pour partir en vacances, pour kiffer tout l'été et pas que. Vous vous inscrivez au Pourquoi tu m'appelles, Marion et Anne-Sor, @funradio.fr. Et surtout, on joue ensemble et c'est quand même cool de jouer ensemble comme ça pour les derniers jours qui restent de cette saison. Oui, main dans la main avec Corentin. Corentin est du côté de Rouen. Bonsoir à toi, Keke. Salut Marion, salut Anne-Sor, salut toute l'équipe. Salut. Et comment il va? Qu'est-ce qu'il fait de beau à Rouen? Bah là, je suis chez ma pote, il fait super chaud, mais elle fait tout ouvert, on en a marre. Ah bah oui, mais il faut aérer, c'est bien ça. En même temps, Corentin, c'est un peu l'été, s'il faisait froid, on serait pas content, oui, donc voilà. On essaie de kiffer un peu. Est-ce que t'as prévu quelque chose de ton été, de partir en vacances, histoire de chiller au Alors, bord de plage? Pas du tout, je pense que je vais rester à Rouen. D'accord. Nickel. Eh ben, passe me voir, j'ai rien prévu non plus. La meuf qui cherche des potes cet été, tu sais. Corentin, ça te chauffe de gagner ton iPad mini? Ah ouais, trop. Eh bien, tu vas choisir entre Marion ou Anso pour jouer Pourquoi tu m'appelles. Tu veux jouer contre qui? Allez, contre toi. Allez, Corentin, j'accepte. Bon, alors, vous allez dire que c'est pas très original, mais en même temps, c'est un personnage que tout le monde adore. Je suis obligée, pour les derniers Pourquoi tu m'appelles, de te faire faire la foraine, mon babou. C'est ta difficulté. Mais vraiment, on peut pas comme ça finir la saison sans avoir la foraine. C'est pas original. Non, mais bon, c'est toujours un petit plaisir. Mais vous voulez avoir, Jackie? Oui, ouais. Tous les mains en l'air, attention. Jackie, nouveau manège, il faut y aller sans slibard. Oui. Ok, sans slibard dans le manège à Jackie. Oui. Allez Jackie, tu te lances, Corentin, ce sera pour après. C'est parti, bonne chance. C'est parti, je fais une petite pause parce qu'en ce moment c'est à pleine saison là, il y a du client. Je suis venue dans une chose spécialement pour vous. Hier. Ah bah merci Jackie, on est flatté. Merci à toi. T'auras une pomme d'amour. Oh, ta petite gueule d'amour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Bah, je vous ai pas appelé, moi. Ah, si tu m'as appelé, c'est parti pour le Super Terminator Wiz 3000. T'as envie de faire du manège à Jackie? Ah non, il a pas envie d'aller. Non, Jackie, t'as pas eu de chance avec celui-là, combien de temps? Jackie a fait 18 secondes. Allez, alors. On en refait un, Jackie. Et c'est pas grave. En même temps, Jackie, tu sais, il faut toujours un tour de chauffe. Ah, j'ai pas la baraka. Oui, bonsoir. Bonsoir. Pourquoi tu m'appelles? Comment? Pourquoi tu m'appelles? C'est moi qui vous appelais? Eh oui, c'est Jackie au téléphone. Tu m'as appelé pour faire un tour de Super Terminator Wiz. Wiz, 3000 nouveaux manèges. Pardon? Principe simple, pas de ceinture, pas de protection. Dans le manège à Jackie, on croise les doigts, c'est parti. Allô? Allô? Oui? Tu t'installes dans le manège et si tu cries à coucoucou, les dindinos. Je t'offre un tour naturel, mes coucou de la vie. Ah bah non. Attends, mais moi je le veux le tour gratos. Faut crier quoi? Attention, c'est tour gratuit. Plus les coucou de Jackie. Et faut crier quoi? Et à coucou coucou les dindinos. À coucou coucou les dindinos. Nickel, tour gratuit pour Mario. Merci. C'est pour qui l'autre? À coucou coucou coucou les dindinos. Nickel, à fond un tour gratuit. Coucou coucou coucou les dindinos. Hey, c'est 3 tours gratuits pour Flo. Hey, c'était pas mal là, Jackie, combien de temps? 1 minute. Ah ouais, bah on va garder le premier pour Corentin, hein. C'est le jeu, Jackie. Je suis dégoûtée, mais c'est pas grave, parce que j'aime faire gagner des trucs aux gens. Corentin, c'est parti. Allez, bonne chance, Coco. Ok. Corentin, tu aimes les fêtes foraines? Ouais, j'adore. Tu aimes les Whiz? Tu aimes les Terminator? Ouais. Et les Super? Ouais. Eh bah tant mieux pour toi. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Pourquoi vous m'appelez? Pourquoi tu m'appelles? C'est vous qui m'avez appelé là. Non, j'ai eu un appel inconnu que je ça pas rappelé. Après, vous m'avez rappelé à l'instant, puis là, je viens de décrocher. Bah non, là, c'est mon téléphone qui vient de sonner. C'est moi qui viens de répondre en numéro privé. D'ailleurs, vous êtes. Attention, Jackie, elle est jamais en numéro privé, ma petite dame. Tu veux faire un tour gratos toi aussi? Alors il suffit de crier à coucou coucou coucou les dindinos. Tu l'as fait fuir, t'as pas honte, Jackie? Bah non, c'est un méchant chat. C'est vrai. Bon, tu vas à l'area, combien de temps? Attention. Ah non, y a pas de suspense. Eh si si si. N'importe quoi. Elle tu avait fait tourner en bourrique. Elle avait fait 22 secondes, c'est ça, Jackie, hein? Ah oui, oui, 18. Espèce de dingue. Et là, combien? 52 secondes. Allez. Bon, je pense que t'as pas du tout lu le compteur, à mon avis, on était à moins que ça, hein, Thibaut. À Corentin, 52 secondes. À Corentin, en tout cas, c'est gaga, c'est gnégné, c'est gagné. Tu repars avec ton nana, ton papad, ton mini, ton iPad mini. Bravo, mon chat. J'ai gagné l'iPad. Allez, c'est cool, on t'envoie ça à la maison, tu veux passer une petite dédie? Ouais, bah je fais une dédicace à tout rond, à toute la zone de Notre-Dame-des-Landes et puis à Christophe, mon chauffeur de bus préféré. Allez, on embrasse Chris. Un bisou, Corentin, dans le neige à Jackie. Salut, salut. Ouais. Martin Solveig, c'est ce qu'on s'écoute là maintenant sur Fun Radio. J'espère que ça va à la foraine, j'espère que ça va à tout le monde. Oui. Et dans un instant, je vais vous lire le message que nous a envoyé sur Twitter Julia. Julia, on n'est pas content parce qu'elle s'est forcée à faire quelque chose. Elle s'est forcée à faire l'amour pour faire plaisir à son copain. Alors qu'elle n'était pas prête. Tout, hein. Ah ouais, non, vraiment, on va te remonter les bretelles, comme disait les Yeuves. For a minute you can use my love. mercredi, ce sera la dernière émission de la saison du Night Show et on vous annoncera si oui ou non on sera là l'année prochaine. Oui, parce que vous êtes nombreux à demander avec le hashtag le Night Show. Enfin, vous êtes trois. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On reçoit des messages toute la journée en plus. Non, mais c'est pas vrai, je rigole. Mais on vous dira mercredi, un petit peu de patience. Hein. On aime comme ça laisser planer le mystère. Oui, oui, oui. Et puis de toute façon, cette émission va être assez exceptionnelle mercredi. Il faudra pas la manquer, 22h minuit, le Night Show. Je vous le conseille, mercredi 11 juillet. On va répondre à Julia qui nous envoyait elle aussi un message sur Twitter. Julia, on n'est pas content. Ah. J'ai un gros problème, elle nous dit. En fait, je suis avec un garçon depuis 2 mois et il y a 2 semaines, il m'a annoncé qu'il avait envie de moi. Donc voilà, je me sentais mal de pas lui donner ce qu'il voulait. Je l'ai fait et je voudrais votre point de vue. Bah, c'est stupide. Bah, c'est stupide, on fait pas ça pour faire plaisir aux autres, on fait ça pour se faire plaisir à soi-même et quand on se sent prêt. Bah oui. Alors, Julia, maintenant c'est fait, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Oui, Flo? Bah non, si elle est encore avec le mec et qu'elle l'aime et que ça va continuer. Alors, je suis d'accord avec toi, Flo. Effectivement, peut-être que du coup, tu t'es senti bien après et tu t'es dit, bon, bah voilà, j'ai découvert que c'était le bon moment pour moi. Mais en soi, Flo, je suis pas d'accord avec toi, même si tu restes avec le mec, si tu te sens pas prêt, mais t'as beau aimer l'autre, t'attends d'être prêt. Faut que ce soit un truc où t'es prêt et t'es en vie à deux. Si elle nous écrit, c'est qu'elle doit le regretter. Je suis désolée. Si elle avait kiffé de ouf et qu'elle se disait, ouais, c'était top, c'était le bon moment, elle aurait pas besoin de nous écrire. Si tu te lances avec un mec que t'aimes bien, même si t'es pas prête, ça peut quand même être... Non, il faut être prêt dans sa tête. Oui, au lieu du standard. Elle lance quand même son message en disant « j'ai un gros problème ». Exactement, elle dit « j'ai un gros problème », ça veut dire que ça l'a marqué. Oh dis donc, Oli, j'ai l'impression qu'on fait de la psychanalyse d'écriture. Non, mais il faut se sentir prêt. Après, c'est pas évident de se sentir prêt. Est-ce que vous avez des techniques? Comment on sait quand on est prêt à faire l'amour? C'est vrai, ça, c'est un truc qu'il faut s'en rappeler quand même. Moi, je me rappelle plus très bien le moment où je me suis dit je suis prête. Hein. Bah moi non plus. Mais un peu, après, je pense que c'est quelque chose que tu ressens. Et je pense vraiment c'est quelque chose que tu ressens après avoir commencé à faire un peu de préliminaire. Si tu sens que t'es excitée et que t'as très envie de l'autre, à mon avis, c'est que là, ça sent bon, quoi. Bah dites-nous, ça a été quoi pour vous le déclic? Quand est-ce que vous êtes dit je suis prête ou je suis prêt à faire l'amour? Comment ça s'est passé? Est-ce que vous l'avez regretté ou pas? Vous nous appelez au 01 42 48 5000. Bien sûr, et si vous n'avez pas envie de passer à l'antenne, vous écrivez un message sur la page Facebook Marie-Anso, je vous lirai. Allez, on se fait ça et puis on est avec vous là jusqu'à minuit. Moi, je suis prête à faire l'amour. D'ailleurs, je vous laisse. Je vais me faire Tweetez l'émission hashtag le night show et suivez le compte Marion et Anso. Salut, c'est Elliot. Bruno m'a laissé les clés de Bruno dans la radio jusqu'au 31 juillet. Et je suis trop content de vous réveiller tous les matins. Marie sera là, Enzo sera là aussi. Et cette semaine, à 8h30, dans le baccalauréat... Oh, bon, j'y arrive pas. Elle est pas là, la voix de Fun Radio, là? Le baccalauréat Elliot. Cette semaine, à 8h30, dans le baccalauréat Elliot, gagnez votre week-end pour le plus grand festival... Tomorrowland. Rendez-vous demain, dès 6h sur Fun Radio. Fun Radio présente So Happy in Paris à Lazare Club à Lyon Confluence. Vendredi soir, So Happy in Paris. La célèbre soirée débarque à Lyon avec en spécial guest Michael Canitro et Yass. So Happy in Paris avec Michael Canitro à Lazare Club à Lyon, c'est vendredi soir. Et c'est avec Fun Radio, le son dance floor. Salut, c'est Adrien Thomas. Party Fun, ça commence dans 20 minutes. Party Fun. Et si vous sortez ce soir, bah, n'oubliez pas votre Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez toutes les fréquences de Fun Radio sur funradio.fr. We gonna ride till we fall. They say we got no future at all. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We gonna ride till we fall. When we hit the bottom. Sauver la planète, mais au moins elles vous font marrer tous les soirs. C'est Marion Yanso. It's the Night Show. De 22h à minuit sur Fun Radio. On parle avec vous, et bien du moment où on a été prêt à faire l'amour pour la première fois, du déclic, parce que c'est vrai que vous êtes nombreux à vous poser cette question, est-ce que je suis prête, est-ce que je suis pas prête, est-ce que je peux y aller, est-ce que je vais assurer. Donc racontez-nous. Et Julia, bon bah Julia, elle s'est forcée à le faire, voilà, elle a pas osé dire non à son copain qui lui a dit j'ai envie de toi. Donc elle y est allée, je sais pas quel âge tu as Bichette, mais voilà, tu te sentais pas prête, donc c'est dommage. Après, il faut pas non plus que maintenant tu restes là-dessus. Tu le refais pas si tu te sens pas prête, c'est pas parce que tu l'as fait une fois que t'es obligé de le faire tout le temps. Tu attends d'être prête de nouveau, et surtout, bon bah tu te dis que c'est pas grave, ce sera mieux la prochaine fois. Voilà, c'est très dommage parce que du coup t'as mal vécu cette première fois, mais ta vie n'est pas finie pour autant. Il faut aussi dédramatiser, attention. Hein. Après, j'espère qu'il a pas fait le crevard et qu'il s'est pas dit bon maintenant que j'ai ce que je veux, je la dégage. Non, quoi, ils sont toujours ensemble, mais juste faut pas qu'elle se force quoi. Refaire. C'est pas une fois que vous l'avez fait, ça y est, c'est parti, ouais. C'est la fête. Hein. Vous le faites quand vous en avez envie. Stéphane nous a appelé, il a 28 piges, donc pour lui aussi, la première fois remonte, a priori. Il va nous raconter comment il a su qu'il était prêt. Ah, on sait pas, Babou, dis donc, c'était bah oui. Peut-être hier ou avant-hier. Ah, bah c'est possible, il n'y a pas d'âge. Hein. Bonsoir, Steph. Salut les filles, salut l'équipe. Salut. Comment ça va, Steph? Ça va très très bien. Steph, 28 ans, bon, t'es d'accord avec nous, Julia n'aurait pas dû le faire pour faire plaisir à son mec. Ouais, c'est sûr, surtout qu'elle risque de le regretter après. Bon, après voilà, il faut qu'elle avance maintenant, tant pis, mais c'est vrai que si vous êtes dans son cas, même si l'autre vous dit j'ai envie, eh ben non, vous faites quand vous avez envie. Et si il part parce que vous avez dit non, c'est que clairement le mec il est pas attaché, il s'en fout quoi. Ouais. Franchement, c'est pas cool. Hein. Ah, sauf si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble et que bon, vous avez 40 ans, la petite moi. Là, je comprends que la personne part babou avec des cieux et des mères. Bon alors Stéphane, comment t'as su toi que t'étais prêt? Ben en fait, ça m'est un peu tombé dessus par hasard. Parce que, bon, moi, ma première fois, ça a été à 12 ans. Ah, elle a trébuché. 12 ans, ouais, 12 ans. C'est tôt. Ah, mais non, on n'est pas prêt à 12 ans. Et ouais, mais en fait, j'avais une voisine qui était, d'ailleurs, qui s'appelait Mario. Ah. Et qui avait 17 ans. C'est flatteur. Mais c'est vrai qu'à l'époque, tu me plaisais bien, Steph. Attends, parce qu'il y a 17-12 ans, c'est chaud pour elle. C'est pas légal, hein, ce qu'elle a fait. Hein. Ah ouais, c'est un peu chaud. Ouais, ouais. Oh non. Mais en fait, c'était ma voisine, et du coup, elle venait, on se voyait de temps en temps comme ça. Et un jour, elle est venue me voir, et puis ça s'est fait, en fait, pratiquement tout seul. Elle m'a un peu aidé, quoi. Et vu que je connaissais pas, je savais pas ce que c'était, donc du coup... elle m'a appris quoi. Mais du coup, tu te sentais pas prêt quoi, ça t'est tombé dessus, tu l'as fait parce que tu as senti le moment venu, mais. Voilà, moi après, je regrette pas, hein. Mais. Voilà, ouais, c'est à 12 ans, c'est trop jeune. Ouais. Mais ça s'est reproduit après, vous avez refait l'amour ensemble Après, ça aurait pu se reproduire, elle a déménagé. Ah. Donc, c'est plus revu. Ah, elle est chelou, hein. Elle a dû se trouver une nouvelle cible. Ouais, non, mais même. Mais je pense, ouais, qu'elle devait, vouloir. Passer à l'acte. Enfin, je sais pas si rapidement, mais ça s'est fait comme ça, quoi. Oui, ah mais je comprends, toi, dans ta position, t'as 12 ans, t'es un peu influençable, t'as une meuf canon qui arrive, qui te montre des choses et tout à la limite, mais elle, dans sa position, ouais, c'est malsain, tu vois, t'as 17 ans, tu sais très bien ce que tu fais, ouais. Elle savait très bien l'âge que tu avais, et elle sait, normalement, si elle est un peu fut-fut, que c'est pas légal et que c'est pas normal de faire ça, donc elle est chelou. Ouais, moi aussi. Surtout que c'était pas sa première fois, je pense aussi... Ah mais c'est ça. Bon, puis, je suis désolée quand t'as 17 ans, pardon, hein, mais t'es pas attirée par quelqu'un de 12 ans. Hein. Ah normalement. Non. Ouais, après, non, c'est je suis bizarre. Assez grand et je faisais un peu plus que mon âge, mais bon, c'est pas, c'est vrai que c'est pas voilà. Ouais, et puis faut dire que jeune. Tu roulais déjà en BM, puis t'avais quand même, t'étais chef d'entreprise aussi, Stéphane aussi, t'étais précoce, hein. Eh oui, c'est ça. Depuis 12 ans. Hein. Eh oui. Bon, Stéphane, t'es pas forcément un exemple à suivre parce que ça reste très jeune, 12 ans. Non, mais c'est pour ça que je dis à tout le monde, ne faites pas n'importe quoi parce qu'après on y pense toute sa vie, quoi. Ouais, c'est bien. C'est bien parce que Stéphane, à la fois tu nous racontes ton histoire, à la fois tu fais un peu de prévention. Moi, j'aime cette touch un petit peu comme ça. Eh bien, cette touch de sagesse. Ouais. C'est un match. Je vais sur mes 30 ans bientôt, là, dans quelques années, et du coup. On y réfléchit quand même. Oui, t'as encore 2 ans devant toi, quand même, Steph. Tu vas sur tes 40 dans ce cas-là. Stéphane Necha, merci de nous avoir appelé. Merci. Ah, au fait, juste, Marion, la veste en jean te va très bien. Oh, burn mais tu l'as vu sur... radio, là, la vidéo, voilà, donc... Sur le live. Du coup, sur d'accord. Le live. Eh ben, t'es un amour, merci mon chat. Bisous, Steph. Merci beaucoup, bonne soirée. Au revoir. Bisous. Au revoir. Flo, c'est intéressant, comment t'as su que t'étais prêt, toi? Bah moi ça s'est joué en un regard en fait. Il y a mon oncle qui m'a fixé dans les yeux, j'ai su que j'étais prêt. Mon oncle. Mais casse-toi. Un regard, il a les yeux bleus, perçants, il m'a regardé, il a dit allez. Non mais arrête d'être malsain. Et paf. Dans cette émission. Non, moi je pense c'est horrible mec, c'est horrible. Moi je pense que tout passe par les préliminaires. Si vous commencez quelques préliminaires et que vous sentez que ça vous chauffe, que ça se passe bien et que vous avez envie de plus, là c'est que vous êtes prêt quoi. On a fait des prélis aussi. Oh, non mais en plus moi ce que je trouve bien c'est de continuer à faire plusieurs fois des préliminaires, t'es pas obligé de faire l'amour tout de suite. Il y a une espèce de côté de sacralisation de la pénétration comme ça, vous pouvez jouer, vous amuser avec les préliminaires pendant quelques temps avant d'aller directement dans l'acte quoi. Marina nous a appelé, on va voir si elle est du même avis que nous. Bonsoir Marina Arène. Salut Nacho, est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Marina, 26 ans, comment t'as su que t'étais prête? Bah moi ça a été au feeling. Ah bah alors c'est-à-dire... Oui? Bah déjà c'était avec mon premier amour. Oui? Et en fait il m'a mis en conscience... super bien, très à l'aise et tout. Et puis, ça a commencé par les préliminaires, donc je pense un peu comme tout le monde. Ouais, il t'a mis un finger, puis 8. Il m'a tellement mis en confiance que... Mais ça faisait combien de temps que t'étais avec lui? Ça faisait 6 mois. Ouais, donc c'est pas mal. Et t'avais quel âge? J'avais 14 ans. Ah, ouais, ça reste jeune. Mais bon, après, si tu te sentais prête et que vous y êtes allée étape par étape... Oui, étape par étape, oui, on a été doucement. C'est juste que c'était un copain de mon frère. Ah, oh là là, donc plus âgé? Voilà. Mais de combien? Oh là là. Dis-le. Il avait 50 plus que moi. 19 ans, ouais, c'est chaud les gars là. Arrêtez avec vos premières fois tordues plus, là. Marina, je vais te dire un truc, ça pose pas de soucis, 5 ans d'écart. Moi, c'est l'écart que j'ai avec mon mec, il a 50 non, plus. Parce que j'ai toujours traîné en fait avec les amis à mon frère, donc. Oui, j'entends Marina, j'entends, mais bon, arrivé à un certain âge, 5 ans d'écart, ça paraît pas, mais quand t'as 14 ans, 19 ans, c'est chelou quoi. Ah, c'est chelou, et puis bon, après, il a été patient parce qu'il a attendu 6 mois, donc ouais, je pense que oui, c'était une vraie histoire d'amour. Les gens de mon âge, je les trouvais pas matures, donc ça a jamais fonctionné avec les gens de mon âge. Non, d'accord. Mais en plus, attends, tu l'as senti comme ça, Marina, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, c'est plutôt, toi, à la limite, tu l'as senti comme ça, c'est plutôt quand t'as 19 ans et que tu. Ça, avec une fille de 14 ans, c'est bizarre, quoi. Après, on juge pas, vous pouvez être amoureux et tout, c'est juste que c'est tendancieux, faut faire attention. Et puis, encore une fois, c'est pas l'âge de la maturité sexuelle, c'est 15 ans, hein, donc c'est prendre des risques de le faire quand on a 19 ans avec quelqu'un de 14 ans. Mais Marina... J'y allais sur mes 15 ans, un mois près, à même pas, quelques semaines près, j'y allais. Ah, ouais. Je suis désolée, mais c'est pas recevable. T'as pas 15 ans, ma grande, hein, Thibaut. Après, alors Marina, moi je peux te proposer un truc, vraiment, si les gens de ton âge, ça le fait pas. Là. Moi j'ai mon grand-père de 80 ans, c'est vrai que depuis que mamie est partie, il sort un peu seul. Ah, mais il y a des limites quand même. Ah, ouais, mais il est bien collé, hein. Et Marina, du coup, ton frère l'a su? Bah, au départ, mon frère l'a mal pris. Puis, bah, quand il a vu que ça se passait très bien entre nous, on est quand même resté avec mon ex 7 ans. Ah oui, c'était le reste. Oui. D'accord. Donc, je regrette absolument pas tout ce qu'il m'a fait découvrir. Voilà. Bon, bah écoute, si ça reste un bon souvenir pour toi, c'est le principal. Tu te sentais prête, écoute. Pas de soucis dans ces cas-là, tu vois. Et on n'oublie pas que dans l'histoire, le principal, c'est de participer. Voilà, dans ta face. De mettre des capotes, évidemment. Et vous dites pas, bah c'est la première fois pour tous les deux, donc oui, on n'a aucun risque de maladie. Pas recevable, hein. Les herpès, les machins, les trucs, de toute façon, ouais, ça risque. Et puis les grossesses, quel que soit l'âge, vous pouvez en avoir. Et cette façon de parler non plus n'est pas recevable. t'as jamais entendu ça? Et moi, si, j'ai entendu cet argument plein de fois. Bah, il l'a jamais fait, je l'ai jamais fait, qu'est-ce qu'on risque? Et je sais. Je sais. Ah non, mais il n'y a pas que le sida dans la vie, donc. C'est couvert quand même, quoi. Et oui. Merci, Marina. Surtout quand il fait froid. Voilà. Marina, on t'embrasse, mon chat. Bah, bonnes vacances à vous, puis vous allez me manquer. Oh, bah, mais on est encore là jusqu'à mercredi. Ouais, mais après, vous allez me manquer. Bah, écoute, Marina, tu te fais quelques répliques, quelques podcasts. Et puis, attends, et Marina, on bosse pour vous balancer du contenu sur la chaîne YouTube tout l'été. C'est pas pour rien, faudra y aller. Hein. On se donne. Ouais, j'irai faire un tour. Et vous revenez l'année prochaine, c'est ça? Ah, tu verras mercredi, Marina. Ouais. Allez, essayez de nous piéger, hein. On l'annonce. On l'annoncera mercredi, mon chat. On est encore sur les négociations. On aura une réponse finale mercredi. À 22h, tu sais. On t'embrasse, Marina. Okay, d'accord. Bonnes vacances. Bisous, les filles. Au revoir. Bisous, oui, Thibaut. Mais arrêtez de dire ça tous les soirs. J'ai encore vu le boss tout à l'heure. Il m'a dit, bah, tu vas nous manquer, machin et tout, tu vois. Allez, arrête. Non, Thibaut. Il parlait à toi. Voilà. Ah, c'était que pour moi, ok. C'est-à-dire que chaque cas est personnel. On dira si jamais on reste. Si on reste, qui reste, qui s'en va. Enfin, il y a se passer des choses. Il y a un boulot. Bon, en tout cas, sachez qu'on sera là demain déjà. Ah, demain oui. soir, ça c'est sûr. On sera là toute l'équipe dès 22h en direct sur Fun Radio. Que demain matin, c'est Elliot, puisque Bruno a laissé les clés à Elliot pendant les vacances. Donc c'est Elliot et Marie pour Bruno dans la radio, avec un petit passage des noms qu'on connaît bien en plus. Ouais. Donc soyez là dès 6h demain matin, chaîne YouTube Marion Yanso. Vous connaissez tout ça. Puis dans un instant, c'est parti Fun. Oui, Thibaut. Je suis hyper fier de moi. J'aurais pris leur numéro du WhatsApp par cœur. Ah bah vas-y, redis-le. Je vous jure, je triche pas. C'est 06 44 66. Non, c'est 06. Ouais, d'accord, il fait mal. Bah, tu sais quoi, apprends-le par cœur. 06 44 66 44 07. C'est exactement ça. Et oui. Et vous pouvez leur envoyer des WhatsApp tout au long de la journée, et comme ça ils en parlent le lendemain matin. C'est, ouais, c'est plutôt cool. Dans un instant sur Fun Radio, c'est parti Fun jusqu'à 2h du mat avec Martin Jensen. Tout à fait. Et on aime bien les Martins. Et on a rien contre les Jensen. C'est là où ça tombe bien. Et on se quitte. Vous me suivez bien sûr. Ah, ah bah, oui, évidemment. Bah, est-ce qu'on était contents d'être là? On était contents d'être là. C'est beau. Merci beaucoup. Au revoir. Party Fun avec Sam. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Cet été, les meilleurs DJ mixeront tous les soirs sur Fun Radio. It's time to Party Fun. Et maintenant, Martin Jensen prend les platines de Party Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Baby, we'll be together when you come over. Yeah, I need you to. Get you a ticket and I'll make you fly over. You won't make it through. I need some love to get a little bit sober. Won't say goodbye. You won't regret when you're a little bit older. Because whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. My mama's mad, but I never cared. And babe, I don't regret it. I'm really sorry that you never met. But girl, I work on that. Even if me, you might as well get me gone. I'll meet you every night. In every dream, I find your love. That makes me smile. Whenever, wherever, we're meant to be together. I'll be there and you'll be near. And that's the deal, my dear. We're over, you're under. You never have to wonder. You can always play by ear. And that's the deal, my dear. I won't leave you till I die. you, my dear. Still do, my dear. I've got the moves, I've got the rhythm in my heart, in my bones. Only for you, I've got some wisdom. Promise I'll take it slow. I'll show you how it works, teach you every step. Only if you keep it to yourself. I don't know what you've heard, don't know what they say. Only that I may be good in bed, but I'm better on the sofa, on the kitchen table. I can do it up against the wall, yeah, even on the floor. Just come a little closer, we could wake the neighbors. We could do it up against the wall, yeah, even on the floor. I'm talking about dancing, I'm talking about dancing. I've got some rules, I've got a system. Thinking outside the box, I'll show you how it works, teach you every step. Only if you keep it to yourself. I don't know what you've heard, don't know what they've said. Only that I may be good in bed, but I'm better on the sofa, on the kitchen table. Kitchen table, I can do it up against the wall, yeah, even on the floor. Just come a little closer, we could wake the neighbors. We could do it up against the wall, yeah, even on the floor. I'm talking about dancing. Party, party, party. Fun, fun. Martin Jensen mix dans Party Fun sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. When I'm next to you, the sky is the limit. I get the best of you. We're connected by the soul and the spirit. I know you through and through. Time keeps moving 1,000 miles a minute. No, something's never changed. And you, and don't you forget it. No, I could never stray. Keep giving me all your love, I'll give you everything I got. Keep giving me all your love, Shoulder to cry on. If that's a fact, then I'll be more than you pay.